Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mu badilike. Weneye ebibi byo osonyiwe. Oh, sinamehegi chajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mu badilike. Weneye ebibi byo osonyiwe. Oh, sinamehegi chajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Nous te demandons tout cela, ô Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu la fois dernière, dans le chapitre 1, après que Dieu a rejeté les offrandes qu'il nous fait, Dieu a dit que lavez-vous, purifiez-vous et tout. Il a dit apprenez à faire quoi? À pratiquer la justice, à pratiquer le bien. Demandons au Seigneur qu'il nous enseigne à pratiquer le bien, qu'il nous enseigne à marcher dans ses voies, qu'il nous enseigne même ses voies. Afin que nous marchions à l'intérieur, nous serions agréables dans toutes choses. Dans toutes choses. Quand il a dit, vous serez saints car je suis saint. Prions le Seigneur qui nous donne d'apprendre à pratiquer le bien, à marcher dans ses voies. Nous sommes dans la prière, mes frères. Seigneur Dieu, nous voulons te prier, Seigneur Dieu. Élevez notre voix avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur ô Dieu, que tu nous enseignes, Seigneur ô Dieu, tes voies. Tu nous enseignes, Seigneur ô Dieu, Père, à pratiquer le bien en marche complètement, Seigneur ô Dieu, selon tes préceptes et toutes choses, Seigneur. Afin de t'être agréable dans toutes choses. Père, c'est notre soupir de faire la joie, Seigneur, et l'exaltation de ton cœur, Seigneur. Père, pour cela, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, que tu purifies par ta parole, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs entièrement. Que tu renouvelles notre entendement, Seigneur, pour que nous puissions discerner ta volonté, Seigneur. Celle-là qui est bonne, Seigneur, oh Dieu, agréable, parfaite devant toi. Et que nous y marchions, Seigneur, oh Dieu, tous les jours, Seigneur. Enfin, que toutes les offrandes que nous allons pouvoir t'offrir, Seigneur, oh Dieu, te soient agréables. Que nos prières te soient agréables. Que tout nos réunions, tout, Seigneur, oh Dieu, te soient agréables. Et que tu donnes répandre, Seigneur, oh Dieu, la justice, Seigneur, oh Dieu. Et accomplis, Seigneur, oh Dieu, ta promesse. Père, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que tu l'accomplis, Seigneur, oh Dieu. Et que tu le fais, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous te supplions, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Veuillez vous asseoir avec ce cantique. Guerre au péché, guerre à tout esclavage. Enfant de Dieu, debout soit un soldat. Guerre à Satan, quelle noblesse et courage. Âme ton bras, sois vaillant au combat. Oh, prends courage, oh, prends courage. Ami du Seigneur, Dieu t'a sauvé. En marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel. Dieu t'a formé, en marche vers le ciel. Guerre à l'envie, aux manchons à la haine. Par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux briser les fortes chaînes. Et libérer le captif à jamais. On prend courage, on prend courage. Ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. On prend courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui brûle à notre terre, nous éloignant de notre Créateur, et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Au grand courage, armée de l'Éternel, en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé, en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat de Dieu, qu'une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Vous avez le cantique, si vous avez ça? N'ayez pas, d'accord? N'ayez pas. Mais on va le chanter maintenant. Frère, lève-toi, on va chanter ici ensemble. Mais puis c'est que tu vas manger la bouche, mais chantons ici. Hein. On y va. Si vous avez ça, ouvrez sur le 66. La page. On avait mis des exemples ici. On dit que quand vous n'avez pas photocopié, parce que les chants qui sont ici, les chants de Charles de Victoire se trouvent ici, mais en plus de certains encore. Donc, vous avez ça. Qui a ça? Ok. 3. Chants. Guerre au péché, guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, debout sois un soldat. Guerre à Satan, quel noblesse et courage, arme ton bras, sois vaillant au combat. Oh, prends courage, oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé à marcher vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruine notre terre, nous éloignant de notre Créateur, en séparant le frère de son frère, crucifiant. Enfin le Rédempteur prend courage, oh prends courage, l'ami de l'Éternel. Dieu t'a formé à marcher vers le ciel. Oh prends courage, l'ami de l'Éternel. Dieu t'a formé à marcher vers le ciel. Guerre à l'envie, au mensonge, à la haine. Par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul, tu peux briser leurs fortes chaînes et libérer les captifs à jamais. Oh, prends courage, l'âme de l'Éternel. Dieu t'a formé à marcher vers le ciel. Oh, prends courage, l'âme de l'Éternel. Dieu t'a formé à marcher vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat de Dieu, qu'une sainte furie brûle en ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, âme de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Qui est d'accord avec le cantique là? Amen. Qu'on va prendre courage, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a formés pour le ciel. Donc il faut qu'une sainte furie s'élève dans notre cœur contre l'iniquité. Donc il faut qu'on en découvre avec le péché, n'est-ce pas? Amen. On est d'accord, frère? Amen. Bonsoir donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. J'attends des questions. S'il y a des questions, ici pour ma Bible, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des retenues ma Bible. J'attends les questions. S'il y a des questions, il est 7h10. Vous avez assez. Nous avons assimilé ce que nous avons vu la dernière fois pour le premier jour de jeûne, là, n'est-ce pas, frère? S'il y a des questions, merci, madame. En attendant, donc, voir ce que le Seigneur va nous demander de faire aujourd'hui. Y a-t-il des questions, frère? Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Oui, c'est ça. Amen, les frères. Amen. Vraiment, j'ai à cœur de partager un songe que le Seigneur m'a donné hier. Et ce songe que, hier matin, parce que dans ma discipline de marche avec le Seigneur, je lève les doigts à 5h. Je me suis levé à 5h. Hier, c'était mardi. Je n'arrivais pas à lire les écritures parce que j'avais le sommeil. Puis j'ai essayé de prier, mais après, dès que je me suis couché, j'ai eu un songe. C'était à 5h45. Je me suis réveillé à 7h. Le soir, c'était le 24 mai 2016. C'était hier, n'est-ce pas? Oui. Voici le songe que j'ai eu hier, depuis que j'ai aussi commencé le jeûne. Dans le songe, voici ce que j'ai vu. Et je veux dire vraiment l'exactitude comme le Seigneur me l'a montré. Dans le songe, je me suis vu en train de marcher. Et je marchais au milieu des ténèbres. Il y avait les ténèbres partout. Et le lieu que je traversais, il y avait tout genre d'immoralité, tout ce qu'on peut trouver dans le monde, et c'était sombre. Bon, je ne pouvais pas voir le devant où je partais. J'ai vu les gens commettre l'immoralité, la fornication, les gens faisaient toutes ces choses-là. Et quand je traversais le milieu là, je me suis senti attiré vers ça. Il y avait une présence qui m'attirait, donc la tentation était tellement grande que je sentais comme si je partais pour vouloir faire ça. Je me suis même vu un moment parti vers là-bas, mais je suis revenu. Et je me rendais vers une maison, la maison où je vis. Et j'ai emprunté le chemin là à plusieurs reprises pour partir là-bas. Mais je me rendais compte que dans le songe là, je ne pouvais plus retrouver la route là. Parce que les ténèbres avaient tout englobé. Et je me suis donc découragé, je me suis lassé. Et quand je me suis donc lassé maintenant, je me rappelle, j'ai même pris 2 bouteilles de vin rouge. Et les bouteilles étaient déjà ouvertes. Et une était pleine. Celle que je tenais dans la main était déjà presque finie vers le bas. Et je marchais avec ça comme ça, étant découragé que je me suis perdu. J'ai vu quelques enfants en route. Je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez encore la route? Ils m'ont dit, voici la route ici, la passe comme ça. Et j'ai pris la route là tellement elle était bizarre, il faisait sombre, je ne voyais plus. Je marchais maintenant à un niveau où je me suis encore découragé. Et j'ai bu un peu du vin qui était dans la bouteille ici. le vin qui était ici là dans la bouteille, c'était presque terminé. J'ai pris un peu, j'ai fait comme ça là, sans mouiller un peu mes lèvres. Et j'ai constaté que dès que j'ai sans mouiller mes lèvres, un tout petit peu, ça m'a enivré à un haut point que je sentais même comment mes yeux faisaient déjà comme ça dedans. Et quand je continuais, j'ai compris dans le songe que c'était du vin là, que les gens qui vivaient autour en étaient complètement enivrés. C'est ce que j'ai compris dans le songe, quand j'étais encore dans le songe. Et quand j'ai continué maintenant devant, je suis arrivé devant une maison qui était à part et seule. Dans la maison, il y avait la lumière, il y avait toutes choses. Je voyais les gens qui étaient là-bas, ils causaient et tout. Et lorsque je suis avancé devant moi, j'ai vu le frère Junior était devant moi. Il était en train de jouer avec un monsieur. Et le monsieur là, je le connais bien, il s'appelle Cyril Ojiko. C'est le... oui, de Balafon. Je vais prendre la première partie pour donner un témoignage parce que j'ai prié le Seigneur parce que je voulais faire un stage académique, je fais communication. Et j'ai demandé au Seigneur que est-ce que je dois faire un stage et si je dois faire, je vais le faire où? Et dans le son, lorsque je l'ai vu, il parlait avec le frère Junior comme les amis, il faisait comme ça, il faisait comme ça. J'ai compris immédiatement dans le songe que c'est là que le Seigneur voulait et directement il est parti. Et maintenant je me suis retrouvé seul avec le frère Junior, on était en train de converser. Pendant qu'on conversait maintenant face à face, les gens autour ont commencé à se moquer de Dieu. Les gens commençaient à dire, ah, les gens disent que la foi là-même, c'est quoi, c'est la foi là-même, tout ça, c'est quoi donc. Les gens se moquaient complètement de Dieu autour de nous. Et quand j'ai constaté ça, moi et le frère Junior, il est d'abord entré dans son appartement, il est ressorti. Et quand il est ressorti, on est tombé par terre ensemble, on a commencé à se lamenter. Comme quelqu'un qui tombe dans la cendre, il crie à cause des choses que les gens là disaient. Ça nous a tellement fait mal au cœur qu'on a dit, oh Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand comme ça, on pleurait. Et quand on pleurait maintenant, l'Esprit de Dieu a saisi le frère dans le sens que j'ai vu. Il a commencé à parler à haute voix. Et j'ai constaté que quand il parlait, c'était non seulement pour m'encourager, mais aussi pour réprimander les gens qui parlaient mal du nom de Dieu. C'est ce que j'ai perçu dans le songe. Et après, maintenant, pendant qu'il parlait et tout, qu'on pleurait, une voix a retenti dans le songe. Et la voix a dit ceci, mot par mot. Et le Seigneur m'a été témoin. Et j'ai même écrit ça. La voix a dit, Élie était un homme de la même nature que toi. Il a prié qu'il ne pleuve pas. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a encore prié et il a plu. Et la terre a porté les fruits. Et je me suis réveillé. Du songe là. Et immédiatement que je me suis réveillé, je pense que c'est là que j'ai commencé à envoyer les messages à la femme du frère que je voulais venir à Yassa pour le rencontrer parce que je ne comprenais pas bien ce qui venait de se passer. Mais je me suis rendu compte que c'était dans les Écritures. Et le passage se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17 à 18. Parce que si on rentre là-bas, on lit ça, c'est ce que les Écritures disent. Maintenant, je posais maintenant la question au Seigneur, étant réveillé, que ça symbolise quoi, ça veut dire quoi et tout le reste. Peut-être je vais laisser le soin au frère de détailler ce qui est de l'historique. Mais quand je commençais à méditer sur ça, le Seigneur m'a renvoyé pour méditer ce qui était là-bas au temps de Élie. Première chose. Et il m'a donné la compréhension de ce qui représentait la pluie. Deuxième chose. Il m'a donné la compréhension de ce qui représentait la terre et les fruits. Ça, c'est la troisième chose. Et quand j'ai compris maintenant ce que le Seigneur voulait dire. Il est... C'est un passage que je voulais qu'on lise, que le Seigneur m'a donné. Le premier passage, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Pierre, chapitre 9, chapitre 2, le verset 9. Si quelqu'un d'autre peut ouvrir Éphésiens 3, le verset 10, là, une personne lit Pierre et l'autre lit Éphésiens, pour qu'on comprenne de manière physique. Si quelqu'un est dans 1 Pierre, pareil, il peut lire. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa splendeur, à sa merveilleuse lumière. Amen. Quelqu'un peut lire Éphésiens. Éphésiens 3, le verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Voilà les deux passages que le Seigneur m'a donné. Et quand il dit le Seigneur m'a donné, ce n'est pas que j'ai réfléchi sur ça. Je vais lire tout et fidèlement toutes les écritures qui me sont venues instinctivement quand je me suis réveillé. Voilà les deux premières écritures que j'ai eues. Et la compréhension que j'ai reçue immédiatement, le Seigneur m'a dit que voilà ce à quoi est-ce que dans mon conseil j'avais préparé l'Église à être. À manifester tout ça, ses vertus et tout le reste. Ça c'est ce que j'ai eu directement. Et dès que j'ai compris ça, j'ai compris en fait ce que dans le conseil du Seigneur, il a prévu, que même depuis le commencement, il a prévu avec l'Église, c'est de ça. Mais je ne vais pas m'étaler parce que ça va prendre un peu trop de temps. Et les trois autres écritures que je vais maintenant lire, c'est Deutéronome chapitre 11, le verset 11 à 17. Quelqu'un ouvre Deutéronome 11, le verset 11 à 17. Jérémie, quelqu'un d'autre ouvre Jérémie chapitre 5, le verset 20 à 25. Une troisième personne ouvre le livre de Joël, chapitre 2, le verset 21 à 27. Là, un lit, l'autre lit, et ça va faire que ça aille aussi un peu. Deutéronome 11, le verset 11 à 17. Joël 2, verset 21 à 27. Deutéronome 11, le verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et ouais, si je mets un peu que tu t'arrêtes là-bas. Donc, il dit, si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, dans le livre de Hébreux, qu'il est écrit là-bas, le Seigneur a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, parce qu'il a réservé un autre jour pour le repos du peuple de Dieu, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Mais maintenant, il dit là-bas, si vous observez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, la question que j'ai posée au Seigneur, c'est ceci. Quels sont ces commandements que tu nous prescris aujourd'hui? Et voici la réponse que le Seigneur m'a donnée. C'est que le commandement qu'il prescrit aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est ce qui est depuis. Mais ce n'est pas selon ça qu'on marchait avant. C'est pour ça que la vérité dans laquelle il restaure, c'est ça le commandement aujourd'hui qui demande de marcher selon ça aujourd'hui. La vérité qu'on apprenne, que ce soit par l'enseignement et par tout le reste, les ordonnances du Seigneur, qu'on apprend aujourd'hui, c'est ça qui demande que si vous marchez selon ça, car la vérité qu'on reçoit aujourd'hui, c'est ça qui vous fait connaître les véritables ordonnances ici et préceptes du Seigneur. Oui, tu peux continuer, mon frère. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir votre Dieu et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez, complètement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Voilà la première que tu es convié. Quand j'ai fini, voilà, je vais donner juste les petites explications comme j'ai compris. Parce que j'ai résolu de laisser sur mon frère, je vais rentrer plus en détail concernant certaines choses. Si le Seigneur lui donne de parler. Quand il dit là-bas, on lit là-bas dans le premier pas. Par ça, de Deutéronome. On comprend par là que Dieu dit, veillez que votre cœur ne soit séduit. Parce que si vous détournez, je vais fermer les cieux. On comprend déjà pourquoi Dieu avait fermé les cieux au temps de Élie. Parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel et tout. Il y avait comme l'apostasie qui régnait et tout le reste. Ça, c'est pour qu'on comprenne les choses. Et il m'a ramené pour comprendre que présentement, les cieux sont fermés parce que l'Église a péché complètement contre le Seigneur. Il s'est détourné du Saint d'Israël. C'est pour ça que les choses sont ainsi. La personne qui a le passage de Jérémie 5, 20 à 25, qui peut lire, pardon. Jérémie 5, verset 20. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont les yeux et ne voient point. Ils ont les oreilles et n'entendent point. Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Amen. Amen. Celui qui a joué le 2, verset 21 à 24. Chapitre 2, verset 21, verset 27. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse, et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reviendront, car les arbres porteront leur fruit, et le pied et la vie donneront leur richesse. Et vous, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de nous et d'huile. Je vous remplacerai les années comme dévorées de la souterraine, le gélec, le asile, le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit. Non, ça va, allez dire. Amen. Mes frères et sœurs, voilà le songe que j'ai eu hier matin, avec les écritures que j'ai eues immédiatement après. Dans le songe que j'ai vu, après, j'ai parlé du feu, n'est-ce pas? Voilà ce que le Seigneur m'a fait savoir quand je me suis réveillé. Que à cette heure, quand j'ai rencontré le frère, j'ai oublié la partie. Quand j'ai rencontré le frère, il m'a dit, dans le songe, il m'a dit, de façon que je vois tes yeux là, c'est sûr que tu as bu le vin là. J'avais tellement peur, je lui ai dit, non frère, j'ai seulement bu. J'ai fait comme ça dedans, hein. C'est même pas pour la rigolade, j'ai fait comme ça. Non, frère, seulement petit comme ça, petit. Donc je disais comme ça pour qu'il ne se fâche pas. Parce qu'il a vu comment il était déjà énervé. Il a dit, non, ouais, j'ai seulement bu un peu, un petit comme ça là. Et quand j'ai dit comme ça là, il est resté tranquille. Mais après, j'ai compris que le petit là avait fait quelque chose en moi que je n'ai pas compris. Le Seigneur m'a fait savoir qu'à l'heure actuelle qu'on se trouve, quand on lit dans les Écritures, il a dit ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais il dit plus loin, je crois, dans Thessaloniciens, que ce sont les ivrognes qui s'enivrent dans la nuit et qui boivent tout le reste. parce qu'ils sont des ténèbres. Et j'ai compris qu'à cette heure, une petite blague avec le péché, mes frères et sœurs, ça va amener la personne très loin. Très loin. Que peut-être même la possibilité de la repentance n'en aura plus. Car ce que j'ai vu dehors, les ténèbres étaient tellement amassées que quand nous, on marche, on regarde la lumière du Seigneur, on ne voit pas les ténèbres. Mais quand on parle des ténèbres, il faut seulement regarder comment est-ce que les femmes s'habillent actuellement pour comprendre ce qu'on appelle les ténèbres. Regardez les musiques et toutes les choses qui sont dehors. Regardez même la doctrine qui pollue pour comprendre la profondeur des ténèbres qui sont déjà avancées. Et j'ai compris directement par le vent là que celui qui s'adonne seulement un peu à ça, à cette heure, pourra se retrouver très, très, très loin. Ça, c'est avec le vin. Maintenant, lorsqu'il a parlé, et j'ai lu, lorsqu'il a dit, je vais répandre la pluie. La pluie, on sait bien que le Seigneur a dit, répand sa pluie sur les bons comme sur les méchants et tout. Et à la fin, il dit que la terre a produit quoi? Les fruits. On sait très bien que même si une graine est par terre, et qu'on met l'engrais, s'il ne pleut pas sur ça, ça ne va pas porter les fruits, n'est-ce pas? Il m'a fait savoir que la terre dont j'ai lu là-bas dans Jacques et qui a porté les fruits, ça voulait dire ceci. La terre qui parle là, ce n'est pas la terre sur laquelle on marche ici. On marche avec les pieds physiques sur ça. Si on lit dans l'Ancien Testament, on va lire la version anglaise appelle Israël, the land of justice, the land of promise, dans la terre de justice, non? Et la terre de promesse et tous les trucs comme ça là. Donc, se référant comme à Israël. Or, dans le livre de Romains, il fait savoir que la véritable Israël de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas? Car le juif, ce n'est pas celui qui l'a dans la chair, mais celui qui a ça dans le cœur, qui est véritablement. Et quand j'ai lu, j'ai compris qu'il parlait de l'Église, il parlait de nous. Et quand il parlait maintenant de porter des fruits, il m'a renvoyé dans le livre de Jean, chapitre 15, où le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas porter les fruits ennemis de moi. Celui qui demeure à moi et qui porte les fruits, je vais demander pour qu'il porte davantage. Et j'ai compris que les fruits là se référaient à toutes les vertus de Dieu que l'Église primitive manifestait complètement à cause de sa marche fidèle dans les voies du Seigneur. Et lorsque j'ai fermé ma Bible, voilà la seule chose que j'ai compris, conformément à la parole qui a dit, selon Jacques 5, c'est que voici, le Seigneur est sur le point de faire ce qu'il a dit. Mais ce qui demeure comme instruction que moi j'ai reçue, je ne sais pas comment vous allez en faire avec, c'est l'instruction qui a dit, si vous gardez mon commandement et si vous marchez selon mes préceptes, moi c'est l'instruction que j'ai reçue pour moi quand je parcourais toutes les écritures, qu'à l'heure-ci, c'est l'obéissance pleine et complètement déterminée au Seigneur. Donc, finalement, comme le Seigneur m'a fait voir ça hier, c'est aussi comme ça que je vous ai transmis le son que j'ai eu hier matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tiens, toi aussi, je parle pour toi. Bonsoir. Ça fait de cela quelques jours déjà que j'ai eu un songe. Dans ce songe, je me tenais près d'une domination et j'ai vu un serpent au ciel qui faisait tellement de bruit. En effet, le ciel était un peu comme si le ciel pendait comme ça, il faisait toucher le sol. Mais le serpent faisait tellement de bruit. Après, le serpent est descendu en forme de nuage comme ça là. Mais quand tu vois, tu crois que c'était le nuage qui descendait, mais c'est le serpent qui descendait. Et quand ça arrivait, on voit se poser, ça fait simplement un être humain. J'ai descendu comme ça, là, marcher comme ça, marcher, marcher, aller vers une domination maintenant. Quand tu parles, après tu dis que le sens, c'est mort. Tu t'adresses à qui? On va recommencer un peu de vie. Et si, c'est que tu viens d'entrer. Mm-hmm. C'est que tu as essayé. On t'a cueilli, dites-moi à chaud comme ça. On recommence encore, frère. Bon. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est que ça fait déjà quelques jours que j'ai... Vous savez pourquoi il a pris son songe? Vous vous souvenez de la semaine dernière, nous étions ici. J'ai parlé d'une soeur au Canada qui a eu un songe où les gens sortaient des terres. Frère, je ne sais pas comment il peut vous dire. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et chacun va user, chacun des deux protagonistes qui nous ont précédés, Dieu et Satan, chacun use de son âme. Satan, le moment où Satan manifestera la plus grande puissance de sa séduction, c'est maintenant. Et là, sa véritable séduction ne se trouvera pas à l'extérieur de l'église, véritablement, c'est à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'il vienne pour séduire, s'il était possible. Vas-y, parle. Et puis on va parler. Bon, dans ce songe-là, je me tenais près d'une dénomination et on avait constaté vraiment une grande dénomination. Près d'une dénomination, frère. Oui, une dénomination. Donc, regarde, quand tu commences à parler, garde le même ton. Oui. N'oublie pas que tu étais dans le songe, une dénomination. Puis, il y a des gens dehors. D'accord, oui. D'accord, je vais essayer de parler plus fort. Ben, voilà. Je dis que je me tenais près d'une dénomination. Bon, et quand je me tenais là, ce qui me fait savoir c'est une dénomination, parce que ça fait référence à l'église de mon patron, oui. La vraie église de Dieu. Oui. Bon, maintenant, donc, j'étais là avec lui, j'étais en train de discuter avec lui par rapport à la parole du Seigneur. Oui. Bon, maintenant, quand je essayais de lui parler, il n'acceptait pas. Oui. Je lui parlais après. Donc, ton patron est dans la vraie église de Dieu. Oui. Il a du mal à t'écouter parce qu'en réalité, il croit qu'ils ont de bonnes doctrines là-bas. Oui, oui. C'est à dessein que je l'ai appelé. Donc, et là, quand il discutait avec lui directement, donc, je me suis tourné comme ça, là. Je me suis donné le dos vers lui et j'étais devant comme ça, là. Mais avant de voir cela, bon, plus quand le serpent faisait au ciel, faisait les bruits au ciel, c'est comme ça faisait le bruit, plus l'endroit sorti, dans l'obscurité envahissait plus la terre. Oui. Donc, c'est comme si le soir venait plus, donc comme la nuit va tomber. Vous remarquez très bien qu'il raconte son songe, celui-ci, il n'est pas au courant de ce que celui-ci a raconté tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Il ne savait pas de quoi le frère s'y parlait. Comme il vient tout juste d'entrer. Avance. Donc, quand il faisait comme ça, c'était comme si vers 18h. Vous remarquez encore une fois de plus que tout à l'heure, il a parlé, on n'a pas entendu la partie de l'obscurité. Donc, il est obligé de l'arrêter parce que la vision qu'il a donnée n'est pas complète. C'est pour ça que je le stoppe comme ça, là. Pour qu'on entre là. Plus il veut entendre, je vais le stopper, plus il y aura les détails. Tout à l'heure, il a parlé, parce qu'il partait s'asseoir, il n'y a pas de question de l'obscurité. Il n'y a pas de question. Il a seulement dit que les nuages descendaient et puis il est descendu comme un homme entrant. C'est pas terminé. Avançons maintenant donc. Les nuages s'assombrissaient. Oui. L'obscurité arrivait. Oui, l'obscurité s'est arrivée. Oui. Maintenant donc, quand je me suis tenu là comme ça, j'ai vu le serpent. Bon. Oui. Au ciel, c'était comme si c'était le brouillard. Donc, bon. Comme je peux le voir, comme c'est noir. Épaisse noir. Épaisse noir. Mais quand ça fait comme si des grondements de tonnerre, ça en flash comme ça là, ça fait le tour du ciel comme ça là. Et quand ça faisait cela comme ça là, je voyais dire que, mais ça c'est quoi ça? Directement, et quand ça faisait comme ça, et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est comme dans ce songe-là, c'est comme si ces personnes ce serpent avait souvent donné les instructions à la dénomination là. À la dénomination là. Oui, donc c'est comme si avait dans son, parce que c'est pas comme c'est la première fois, mais la fois il est descendu vraiment. Oui, donc c'est comme si c'est l'être qui règne sur la vraie église de Dieu. Voilà. Bon, maintenant quand il faisait comme ça là, il faisait les bruits, Après qu'elle a tendu sa tête comme ça là, tu pouvais voir que c'est le brouillard qui a tendu sa tête, comme le nuage fait un tour comme ça là. Mais moi je voyais le serpent en effet. Ça faisait des bruits, Il y avait une personne qui partait recueillir les messages et rentrer. Vous avez suivi que tout à l'heure il n'y avait pas ça. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, il y avait quelqu'un, un porte-parole, qui est en même temps en relation avec cet esprit et en même temps là-bas. Il dit, j'arrive, je dis, c'est pour rien, c'est pas pour rien que j'ai parlé, parce que c'est un dessein. On parle de la vraie église du Cameroun. C'est terrible ce qui arrive là-bas. J'ai cherché comment il devait faire le message, n'importe comment. J'ai fait un message, j'ai intitulé « Message à tous les fondateurs des dénominations et des ministères ». J'ai fait ça, et à l'intérieur, j'ai dit certaines choses seulement. Parce que je ne vais pas dire, il y a des choses terribles. Avant, c'est si frère. Bon, après cela donc. Quand la personne s'est placée là, le serpent faisait des bruits. Bon, plus, c'est comme si la chose s'est passée comme si lui, il était là, prosterné pour attendre, pour recevoir la personne. Et moi, je voyais le film qui s'est passé. Donc, ça veut dire que si on comprend très bien, tu étais là. Un écart comme ça. Oui, l'événement s'est passé dans les cieux et tu observais que cet homme-là était attentif à ce qui arrivait, comme s'il était un intermédiaire. Bon, maintenant, quand la chose s'est passée, bon, je regarde. Moi, je voulais voir, en effet, ce qui va se passer. Bon, directement, quand les nuages, bon, le sol se pendait comme ça, les nuages se pendaient comme ça. Comme quand le serpent a descendu, c'est comme si ça tirait une partie du ciel pour descendre avec comme ça, là. Mais quand je voyais cela, c'était le serpent comme ça. Mais dès que ça s'est descendu comme ça, là, à un niveau, j'ai maintenant dit, waouh, c'est le serpent qui communique les visions à ces gens-là. Oui, entre-temps, parce que est-ce que ton patron était dans le songe avec toi? Dans le son, il était dans mon son. Il était dans le son. Et il est de la vraie église de Dieu. Oui. Il ne semblait pas voir cela. Il ne semblait pas voir cela. Souvenez-vous, la question que je pose a un sens. Quand on est à l'intérieur, on ne peut pas constater que ça ne va pas. C'est pour cela que Dieu est obligé de faire sortir des gens de l'extérieur pour venir parler. C'est pour cela qu'il n'a pas pris les sacrificateurs au temps de Jean-Baptiste. Il allait prendre quelqu'un loin. Or, vous voyez dans l'histoire, hein, pour qu'il vienne parler. Parce qu'à l'intérieur, tout le monde est noyé. C'est un peu comme si tu es en prison, on est en prison par exemple ici. Il te promet que je vais te libérer de cette prison-ci. Alors que moi, je suis en prison. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour ouvrir la porte pour qu'on sorte. Donc, son patron avec qui il travaille dans la vraie église de Dieu, il est là en train de voir le scénario. Lui, ça ne semble pas le déranger. Donc, tu dis, c'est comme si c'était ce serpent-là qui communiquait les visions là-bas. Oui, avance. Oui. Pour maintenant, quand ça faisait comme ça, parce que la personne était prosternée oui. là-bas. Oui. Pour maintenant, quand le serpent est descendu à un certain niveau de la terre, il est devenu humain. Oui, le serpent, l'homme qui se prosterne devant lui avait l'air d'un être âgé. C'était un homme âgé ou comment? Un homme âgé, un homme mature, un oui. homme mature, vraiment oui. mature. Oui. Bon, et la personne, bon, quand la personne, le serpent est descendu, oui. il est arrivé donc, il est venu vers lui. Après, quand il lui parlait, il est trappé, il est donc. C'est comme si le serpent qui est devenu homme. Oui, est devenu homme, est venu vers lui, est traversé à l'intérieur, lui parti comme ça. Traversé à l'intérieur de son corps. Oui, de son corps, parti. Ah, oui. Prend la direction des dénominations. Mais ce n'était plus une dénomination, c'était des dénominations. Des dénominations maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Va t'asseoir, frère. Il s'est fait tard. Dans tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, il s'est fait tard. Mais ce qui est curieux, vérifiez, il y a des gens qui n'ont pas éteint leur téléphone. Mais ce qui est curieux, c'est justement. Parce que aujourd'hui, les gens voient, les gens sortent chaque dimanche, ils vont, on voit comment les gens rentrent, comment les gens enfin avec les grosses voitures, on vient dans leur dimension, on voit les voitures, on dit waouh, l'église s'y prospère. Mais la sentence qui se passe en haut est différente. Il se fait absolument tard. Vous avez parlé la semaine dernière de l'horloge que j'ai vu avec il manque que l'église arrive sur deux battements que ça va passer. Vous avez suivi les songes, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres. Nous sommes dans la période des jeûnes, n'est-ce pas? Les choses vont encore sortir. L'Église a besoin de repentance. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que, oui, si vous dites que quelqu'un fait mal, quand vous voyez quelqu'un en train de débrousser, vous dites qu'il coupe les herbes là en haut. S'il ne parvient pas à saisir ce qu'on dit, prends-lui la matière, coupe depuis le bas, tu avances. Comme ça, il va voir comment il faut débrousser. C'est ce que vous et moi, nous devons faire. Si vous dites, c'est la Bible qu'il prêche là-bas, oui, c'est la Bible. Il faut vivre cette Bible-là. Il ne s'agit pas de prêcher. Il s'agit de vivre ce qui est écrit. Et souvenez-vous, comme je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas imiter la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Vous imitez, plus vous tentez d'imiter la vie chrétienne, plus l'esprit des chrétiens dit en ton cœur que tu es faux. Vous ne pouvez pas tromper, vous pouvez tromper les finances, tromper à la politique, le domaine chrétien. Le domaine des disciples, je dis, c'est là où on ne peut pas tromper, parce que tu ne peux pas te tromper toi-même. Lorsque tu t'approches de la vérité te dit qui tu es. Et là, tu es avec ta conscience, toi et ta conscience, tu sais que tu es faux à l'intérieur. Comme autrement dit, le canard ne peut pas imiter la poule ne peut pas imiter le canard, même s'ils ont les mêmes fonds, on peut les appeler oiseaux. On peut appeler tout le monde chrétien. Le Cameroun est une nation, vous appelez, une nation quoi? Laïque. On dit que la France, c'est la France chrétienne. Les États-Unis, c'est chrétien. C'est pas la définition de la Bible. Là. Je dis encore une fois de plus, il faut donc qu'on montre au travers de la vie de Christ comment on doit vivre la vie de Christ. Il ne s'agit pas de prêcher que la Bible... je sais pourquoi ça ne parle par rapport à la vraie Église, par rapport à ce que Dieu a montré cela. C'est parce qu'elle a discuté avec son patron plusieurs fois. Son patron voit qu'il y a beaucoup de doctrines qu'on enseigne, qu'eux, ils ont. Hein, mon cher? Voilà. Donc, il pense effectivement que c'est ça. Il ne s'agit pas, je recommence encore, il ne s'agit pas de connaître que la femme doit bien s'habiller, que les dîmes, les offrandes, ou que quoi que ce soit, que c'est ça. Il ne s'agit pas de connaître ça, que Christ va venir pour l'enlèvement. Il ne s'agit pas de connaître ça. Il s'agit d'avoir été appelé. Il s'agit que le Seigneur te connaisse. Donc, nous sommes là pour savoir si oui ou non Dieu nous connaît. S'il te connaît, il dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc, on va revenir sur les différentes visions aussi, au courant du temps. Souvenez-vous, je vous avais dit que s'il arrive qu'il y a des jours qui sont fériés, dites-moi qu'il y a des jours fériés, pour qu'on profite de ces jours-là, comme ça on va travailler toute la journée. Prends les 2 heures, 4, comment on fait ici, c'est pas bon. S'il y a des jours fériés, dites qu'il y a des jours fériés, donne-moi ton téléphone, on met ici. Tu restes là, tu fais comme ça. Tu ne veux pas enregistrer? Hein? Si tu as envie de m'enregistrer là, tu es sûr que ça va capter? Donne le journée ici comme ça. Tu crois qu'il veut confisquer ton téléphone? Voilà, ça reste là. Donc, les jours fériés, trouvez les jours fériés. S'il y a des jours fériés, c'est entre vous. S'il y a des jours fériés au courant des semaines, au courant des mois, dites, vous pouvez, on vient, on s'assoit, on parle peut-être du matin jusqu'au soir de la Bible. On passe le temps dans la prière. D'accord, frère? Faisons attention, il se fait tard. Comme dans cette vision, s'il est monté, ne blaguons pas avec le péché. Un petit péché tard s'accroche sur toi, comme ça, tu vas confirmer. Et si le péché s'accroche sur toi, si vous voulez philosopher maintenant, donc on n'est plus à l'instant où on dit que non, s'il te plaît, on ne prie pas quelqu'un. Dans le royaume, on ne prie pas quelqu'un. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas prié quelqu'un. Jérémie n'a pas prié quelqu'un. Moïse n'a pas prié quelqu'un. Quand il a donné l'instruction que mettez sur le lecteur de porte le sang là, si tu veux, tu ne mets pas, tu vas confirmer ce qui va se passer là-bas. Donc on a comme impression aujourd'hui qu'on supplie les gens parce qu'on a de supplier arrêter les porte-monnaie. On a de supplier que les membres restent. Non. Si tu dis telle vérité, ça va chasser les gens de l'église. De quelle église? De l'entreprise ou bien de l'église du Seigneur. L'église du Seigneur jusqu'à est constituée de ceux qui vivent dans la vérité. Et donc c'est la vérité qui les unit, n'est-ce pas? La vérité du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas chasser ses enfants, mais plutôt les réunir. N'est-ce pas? Si la vérité du Seigneur réunit ses enfants, alors les personnes qui partent ne sont pas de lui. Parce que ceux qui sont de lui disent que à qui d'autre iront? Tu as les paroles de la vie éternelle. D'accord, mes frères? Donc faisons attention. Vous avez des gens qui sont dans la vraie église. C'est une chose de s'habiller. C'est une chose de connaître telle chose. Toutes les dénominations sont captées par la reine du ciel. Je crois que je vais dire ça comme ça pour que vous saisissez. Au deuxième ciel, c'est pas des quartiers. Je vous le dis tout simplement. Vous allez au deuxième ciel, ce que vous voyez sur la terre, ce n'est rien. Dans toutes les rues là-bas, il y a les églises. Ça chante là-bas, il y a les pasteurs là-bas. Bien, quand ça arrive, on les fait manifester sur la terre. C'est ça dont c'est les questions. C'est pour ça que dans les enseignements, vous entendez, je dis, du coup, ça à la radio, je dis que vous devez admettre que le prince de la puissance de l'air vous a communiqué les visions du deuxième ciel afin que vous les réalisez sur la terre. C'est ça dont c'est les questions. Je dis seulement, c'est quelque chose comme ça. Parce que je ne suis pas. Je ne dois pas dire certaines choses d'une certaine façon. Au deuxième ciel se trouvent les gens qui ont le désir. C'est pour cela qu'ils peuvent encore aller chez les catholiques, se compromettre sans se rendre compte que ça les dérange. C'est pour cela, parce qu'en fait, ils sont issus du même père. Vous allez voir, les gens sont ensemble, ils s'habillent ensemble, ils sont dans les réunions de femmes ensemble, font les festivités, campagnes, retraites de ceci, mais à l'intérieur, il y a des sorciers. Et plein de sorciers. Il dit bien parmi les pasteurs là-bas, plein de sorciers, plein de francs-maçons, maintenant là, plein de rosicruciens. Et c'est arrivé au niveau où ils sont énivrés, où ils ne savent pas ce qui ne va pas comme problème. Ils ne savent pas que Dieu a permis cela pour que ces enfants commencent à sortir de l'intérieur. Donc ces enfants vont seulement sortir. Ces enfants vont sortir. Et cela dans toutes les dénominations. Comme il a dit par le prophète, comme il a dit que toutes les tables sont pleines de vomissures, c'est comme ça. C'est pressé par-ci, un peu par-là, un peu par-là, comme Esaïe le dit. C'est un peu par-là. Il y aura un peu de vérité partout. Vous allez même chez le catholique, un peu de vérité. Christ n'est pas ressuscité le troisième jour. Il ne dit pas ça là-bas. Il n'est pas né de la Sainte Vierge. Alors, il n'a pas laissé une église sainte. Il ne reviendra pas juger aussi. Ils croient cela. Mais ils sont dans l'apostasie. Donc, c'est un peu par-ci, un peu par-là. Les protestants protestent, ok. Nous croyons juste que la Marie, nous ne sommes pas d'accord avec Marie. N'est-ce pas, ils baptisent les bébés? Ils ont les modérateurs exactement comme le pape. Ils vont vouloir appeler papa, vrai? Même principe. Prenez n'importe quelle dénomination, vous pouvez le calquer, le modèle c'est l'église catholique. Même. Donc si vous avez les amis, les frères dans les églises de Dieu, priez pour eux. Parce que plus tu t'approches de la vérité, plus tu les détournes, plus la forteresse doit être plutôt dure. Quand vous allez parler, les gens vont se dire que c'est nous qui avons apporté le réveil. Il ne s'agit pas d'apporter le réveil ou pas. Le fait que la femme samaritaine allait dire, venez voir un homme qui m'a dit tout, je ne veux pas dire qu'en Samarie, c'est elle qui a apporté le réveil. Ou bien que c'est elle qui a créé l'église là-bas, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit a permis qu'on arrête l'apôtre Paul pour arriver, pour aller à Rome, pour aller prêcher là-bas, non. Les Romains maintenant sont les porteurs de vision. Et les Romains qui l'ont amené en Chine là-bas, ils vont se taper la porte, que c'est nous qui avons amené l'évangile ici. Donc faisons attention. Si vous avez des gens là-bas, priez. Et souvenez-vous, je vais vous dire quelque chose encore ce soir. Vous devez faire la différence. Parce qu'il s'agit d'abord de vous et du Seigneur. Il s'agit d'abord de vous et du Seigneur. Cette chose, la petite chose, on dit qu'il s'agit de vous et du Seigneur, n'étant pas comprise dans le monde entier. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'amalgames. Pourquoi? Quand quelqu'un dit qu'il a confessé Christ, on lui dit que ta mission maintenant, c'est d'aller témoigner Christ ailleurs. Vous savez ce qu'elle dit témoigner? Si tu témoignes Christ, que tu le connais, tu connais quoi de lui? Qu'on a dit qu'il était sauvé, qu'il t'a sauvé. Un de ces jours, quand ça ne va pas, tu ne crois même plus qu'elle t'a sauvé. Il a dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ce qu'il a dit. Pas de témoignage sans le revêtement de la puissance. Ça ne marchera pas. Et voilà là où on se retrouve aujourd'hui. Parce que les gens croient peut-être, comme ils ont lu la Bible, ils ont l'autorisation d'aller parler. Un homme ne doit pas te mettre dans ton poste. Dieu doit t'avoir t'incorporé. Si Dieu t'incorpore, tu es exactement à la place qui t'attend. Et l'incorporation se fait par le Saint-Esprit. Pas par un conseil d'homme ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit doit mettre son approbation. Doit être l'auteur et le délégué. Donc, le fait qu'on dit aux gens, allez, faites de toutes les nations des disciples, on dit que c'est la grande commission. Ce n'est pas la grande commission, c'est la commission tout simplement. C'est la vie normale de l'Église appelée. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vivez, permettez-moi de vous expliquer quelque chose simplement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Allez, depuis l'Ancien Testament, d'accord? Quand Dieu a fait la promesse à Abraham que ses descendants seront comme les étoiles du ciel, Abraham a fait plusieurs années sur la terre. Il a vu ces étoiles-là. Est-ce que oui ou non, on peut dire maintenant que la promesse que Dieu a fait à Abraham s'est accomplie? C'est accompli, n'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham a vu cela? Mais il a vu ça spirituellement, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Maintenant, Dieu dit que tes descendants seront dans cet acte, Genèse chapitre 15, il dit que ta postérité sera esclave étranger dans un pays et c'est moi qui vais les délivrer, n'est-ce pas? Abraham n'est pas là pour vivre cela. Du moment où Dieu a parlé à Abraham, jusqu'au moment où ces choses-là s'accomplissent, les gens ne sont-ils pas morts sur la terre? Les gens sont morts sur la terre. Quand ils arrivent, ils sont en Égypte. Les Juifs sont en Égypte dans le livre d'Exode. On voit effectivement la Genèse, fin de Genèse, Exode, comment ils commencent à souffrir. Moïse naît là-bas, pas vrai? Certains Juifs parmi son peuple naît et meurt, pas vrai? Moïse quitte, il n'a pas fait 40 ans dans le désert. Pendant qu'il en a fait 40 ans, les gens sont en train de mourir, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement, ne ratez pas ceci. Pendant que Moïse quitte l'Égypte, il fuit Pharaon, il part rester à Madian. Les 40 années qu'il a passées là-bas, il ne m'occupe pas des Égyptiens, il m'occupe des Israéliens. Est-ce que parmi le peuple d'Israël, les gens mouraient? Le jour où il a demandé, Dieu lui a dit maintenant que descends pas chercher le peuple. Il allait chercher le peuple, n'est-ce pas? Donc les gens qui étaient prévus pour l'heure de la délivrance devraient être là. Vous avez suivi ce qu'il dit là? Les gens qui étaient prévus dans le plan du Seigneur, qui vont sortir de l'Égypte. Quand Dieu dit que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, quand il le dit ça, il sait exactement qui sera là à cette année-là. Donc tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas qu'il naisse avant Moïse. Ce n'est pas toi qui est ici. Parce que d'abord tu es venu sans savoir si Moïse, oui ou non, est là. Si quelqu'un est né donc 40 ans plus tôt avant Moïse, c'est son problème. Il va naître, peut-être il va mourir à 35 ans, d'autres vont mourir à 2 ans après l'expansion d'Arsenal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'heure prévue, l'heure indiquée par Dieu doit marcher selon son plan. C'est ça, frère? Donc, l'époque doit correspondre. Le sauveur, le libérateur qui doit venir vont libérer le peuple. Et le peuple qui doit être là, doit être là. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de dire à Dieu qu'il faut que telle personne soit parmi le groupe. Il faut que telle personne soit parmi le groupe. N'est-ce pas, frère? Le moment arrive. Entre Malachie et le prophète Jean-Baptiste, il y a 400 ans. 400 ans, Dieu s'est tué. Les gens ne mouraient pas là-bas. Les gens continuent à mourir en Israël, non? Ils lisaient la Torah. Ils étaient dans le désordre. Ils mouraient toujours, non? Le moment venu, Dieu a envoyé son ange qui va demander que l'enfant là vienne. Il vient. Il a grandi. Pendant qu'il grandit, 1 an, 2 ans, il a mouru, non? 3 ans, il mourait, non? 4 ans, il mourait, non? Le moment revenu, il a dit que c'est le moment, va parler. Répentez-vous. Les gens qui étaient devant lui pour accepter le message et pour rejeter devraient être là. C'est le plan de Dieu. Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10 disent particulièrement que ce sont les choses. Ouvrons cela. Éphésiens chapitre 1. Avant qu'on arrive ce soir-ci. Éphésiens chapitre 1. Écoutez très attentivement ce que je vous ai dit ce soir. C'est pour ça que je veux que vos pensées et vos cœurs ne soient plus dispersés dans ce domaine-là, mais que vous concentrez à la véritable ligne que Dieu a tracée lui-même. Éphésiens chapitre 1. Tu y es, frère. Lis le verset 9 et le verset 10. Verset 9 et verset 10. Oui. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Oui. De réunir toutes choses en Christ. Oui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. C'est Dieu qui fait son œuvre. Vous pas le forcer. On dit que le mystère de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu avait caché cela. Aucun prophète ne savait effectivement clairement ce qu'il en était. Il dit que ce mystère, il a décidé de sa propre volonté de le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli. Il dit que ce mystère, le mystère de sa volonté, c'est que quoi? Il avait prévu quand il créait la terre, il avait en image Christ. Vous entendez cela? De réunir toutes choses en Christ. Donc, que tu sois musulman, n'importe quoi, dis n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand vous connaissez la voix du Seigneur, le plan du Seigneur, vous ne blaguez pas au niveau de l'intransigeance. Je te dis que mais, tu penses que les milliers de musulmans, s'ils meurent comme ça, voilà un enfer. Ce n'est pas du problème que toi tu penses ou bien que eux ils pensent. C'est ce que Dieu a décidé. Il a dit que le but pour son plan sur la terre, en disant que la terre soit, c'était de, à un moment donné de réunir toutes choses en Christ. Le moment est venu, il a manifesté Christ, pas vrai? Il dit que non seulement ce qu'il y a sur la terre, mais sur le, tous doivent être un en lui. C'est-à-dire que Christ, notre Seigneur, au chapitre 4 de ce livre, verset 8, on dit qu'il est descendu en bas pour remplir tout en tous. Il est allé pour descendre, il est descendu plus bas que la terre, monté plus haut que le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, pour remplir tout. Vous saisissez ça, hein? Alors suivez attentivement. Les gens pour lesquels ceci est concerné doivent être là. Comme il a dit qu'il avait caché ça en lui, donc quand il cache les desseins, s'il dit que je vais réunir toutes choses en Christ, les choses qui sont en bas sur la terre, sur le 1, il a déjà prévu les choses qui doivent être là-bas à l'intérieur de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, il avait dit qu'on n'entre pas dans le corps de Christ en réalité. On y sort, on grandit seulement. On manifeste. Vous saisissez ça, hein? On manifeste. Donc si Dieu a prévu pour toi le jour, l'heure, tu seras là. Dans le livre d'Apocalypse, il y a quatre anges qui sont enchaînés. Vous savez ça, hein? Il y a quatre anges, les quatre vents de la terre qui sont sous la direction. Depuis, ils sont là comme ça, ils sont tenus là comme ça. Là. Sur les quatre, dans les quatre coins de la terre. Vous voyez, à l'école primaire, on dit que le nord, le sud, l'est et l'ouest, les quatre points qu'à nous réciter. Vous ne savez pas que vous pointez comme ça les anges. Ils sont là. C'est ce que la Bible déclare. L'heure, le jour, la minute, on va les relâcher. Ils sont là comme ça. Vous passez, vous faites des commerces, vous passez casser. Là, ils ne mangent pas. Ils restent là debout. Depuis, il est là. Les pieds sont tenus là. Le jour qu'on va dire que c'est le moment, ils vont relâcher les tonnerres. C'est Dieu faisant ces choses. Donc, tant qu'on fait n'importe quoi, si Dieu dit au Seigneur, fais que l'ange du nord parle. Il ne parle pas, c'est pas selon notre ordre. C'est selon lui. Dieu a prévu toutes choses comme il le veut, n'est-ce pas? Alors, quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, arrivé dans le désert, les gens qui devaient mourir dans le désert sont morts, les gens qui devaient entrer sont entrés. Même si quelqu'un dans le désert dit que by fire, by force, je crois au nom de Jésus, au nom de Moïse, de que par le feu, je chasse les Amoréens devant moi, je chasse les Ammonites devant moi, je vais entrer par la force. Les gens qui devaient entrer sont entrés. La Bible déclare que ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je suis arrivé quelque part, il vient arriver avant qu'on va toucher le message de ce soir. Alors, quand Jean-Baptiste finit de prêcher, il quitte le chemin. Pendant que Jean-Baptiste est en train de prêcher, Jean-Baptiste naît là-bas, 6 mois après Jésus-Christ naît, n'est-ce pas, frère? Ok. 6 mois, le Seigneur Jésus-Christ naît. C'est le Messie. C'est celui qui est censé sauver, n'est-ce pas? Pendant qu'il naît, il y a une femme même déjà qui a 84 ans. Il y a un prophète, Simon, qui était avancé en âge. Il l'a porté dans ses bras, il l'a vu. Puis il est mort, pas vrai? Les gens sont morts, les gens sont morts. À 12 ans, les gens sont morts, les gens sont morts. 13 ans, ils sont morts. 29 ans, les gens sont morts. Aux environs de 30 ans, il s'est présenté. La Bible déclare que dans ce livre de Luc, chapitre 13, chapitre 3, il dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de David, fils d'Élie, fils de ceci, fils de ceci, en rentrant jusqu'à Abraham. Il a fallu qu'il attende exactement le moment du ministère. Mais je vais vous faire montrer que, avant qu'il commence son ministère, étant sur la terre, mangeant comme tout le monde, marchant comme tout le monde, les gens mourent. Il n'a pas dit que, oh Seigneur, sauve-les, ils vont mourir. Tu veux être destiné pour la mort, tu meurs. Il y avait les estropiés quand il a grandi, n'est-ce pas? Quand il était sur la terre, les lépreux sont morts. Les gens sont morts, on n'a jamais ressuscité. Mais un de ces jours, c'est un fils de Naïm qui passait là-bas. Il a mis la main sur le socle. Il dit, jeune homme, lève-toi et s'est levé. Il devait être là pour cette heure-là. C'est Esaïe 35 qui le dit. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, quand on n'a pas compris ces choses-ci, on a comme impression que c'est nous qui sommes les créateurs et que nous sommes obligés d'aller sauver les gens. On a comme impression. Il dit, bien, c'est l'église de cette époque, c'est ça. C'est tout genre de dérives qui nous est arrivé. Quand tu es comme ça, tu lui as vu, tu as comme l'impression que Dieu t'a demandé d'aller sauver le monde. En fait, quand on croit, c'est comme ça. Aller sauver alors. Commencez d'abord par ton propre voisin, tu vois ce qui va t'arriver. C'est là que tu vas commencer à comprendre la réalité. Ou tu vas dire la vérité à quelqu'un que, frère, jusqu'à venir sauver le monde, il dit que oui, j'ai même vu le film de ça. Tu dis à quelqu'un que, mais ça c'est le péché, il dit que oui, je sais. Mais tu ne sais pas que le péché, on vit dans la chair. Parce qu'il n'a pas compris. Si Dieu ne lui donne pas, il ne comprendra pas. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, attelez-vous à affermir votre propre appel. C'est ça que je veux dire en réalité. Attelez-vous à affermir votre propre appel. Le Seigneur Jésus a d'abord dit que, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil afin que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère. Vous savez, c'est ça. Hein? Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un, je ne sais pas, mais il ne dit pas quelque chose de nouveau. C'est ce que la Bible dit. Il dit que, comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil et la poutre qui est dans ton œil, tu ne me vois pas encore. La poutre, c'est la poutre. C'est le gros poteau qui soutient les maisons en étage, là, le gros là. On dit que c'est ça qui est dans ton œil. Et la paille, c'est les petites choses là. Vous savez, les catholiques, quand ils font les trucs des rameaux là, c'est ça qui se trouve dans l'œil prochain. Donc, si tu veux penser que tu vas aller sauver quelqu'un, ça veut dire que chez toi, c'est grave. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord résoudre son propre problème. Oh Seigneur, ma mère périt. Mon père est en train de mourir. Oh, sauve mon père. Tu es déjà entré. Vérifions donc cela. Vous cessez ça, frère. Vous vous dites, non, il faut qu'il intercède pour. Il faut qu'il intercède pour. Ce n'est pas la bonne façon. La bonne façon veut que. Si vous deux vous êtes dans le trou, n'essaie pas d'arrêter quelqu'un dans le trou que je vais te sauver. C'est parce que sors. Quand tu sors, tu pourras trouver l'échelle, la corde, le secours pour cette personne qui est là-dedans, sachant que tu y avais été. Vous suivez? Jésus vient sur la scène. Il marche pendant 3 ans. Il guérit. Pendant qu'il était à Capernaum, les gens mouraient à Nazareth, n'est-ce pas? Quand il part à Nazareth, les gens meurent à Jérusalem, non? Quand il part à Jérusalem, en Galilée, les gens meurent, n'est-ce pas? Il n'a pas délivré tout le monde. Il n'a pas guéri. Tout le monde. Il n'a pas ressuscité tout le monde. D'autres sont morts, il n'a pas ressuscité. Son ami est mort, il a ressuscité. Pas tous ses amis sont morts, il a ressuscité. Il a même donné de bonnes prophéties sur Pierre que quand tu seras vieux, on va t'entraîner où tu vas voir. On dit qu'il dit cela de la mort qu'il veut le glorifier. Vous savez ça, hein? Ok, maintenant. Quand il marche près de trois années avec ses disciples, il n'envoie pas ses disciples partout. Et pour signifier effectivement que c'est comme ça que Dieu fonctionne, et souvenez-vous du temps des prophètes Élie. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Ce n'est que à la veuve de Sarepta que Dieu a envoyé. Du temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Ce n'est que celui qui figure dans son ministère, c'est Naaman, le Syrien. Vous entendez ce que Jésus dit? Dieu ne mettait pas les Israéliens pour montrer qu'il fait comme il veut sur la terre. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Donc, il fait 3 ans. Les 3 ans qu'il prend pour la préparation pour son jour, il connaît exactement quelqu'un qu'il a choisi. Il connaît le temps de préparation. Il connaît à qui il a envoyé. Il connaît ceux qui vont venir. Donc, avant que Dieu dise que la terre soit, il savait exactement pour ceux qui viendraient. C'est pour cela que ceux-là, il est mort pour eux par prédestination. Donc, arrêtez ceci. Je sais que c'est difficile lorsqu'on a été dans la religion. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es sauvé d'abord. Même croire, c'est un problème. Un temps, on croit, on prêche mes chats. Comme tu dis encore que, mais vrai, est-ce que j'ai cru? Un message est sorti. Ça fait pas un an que tu dis, mais vrai, à ce moment-là, vous n'avez pas cru. N'est-ce pas, mes chers frères? Donc, il faut que quelque chose de spécial et de nouveau entre en nous. On parle de cela, de la dispensation, là, l'esprit. Si l'esprit est là, vous ne serez plus ballotté n'importe comment. Donc, attelez-vous. Travaillez dans votre propre relation avec le Seigneur. Si vous êtes là et que Dieu veut sauver quelqu'un, il sauvera de toutes les façons. Personne, souvenez-vous, c'est le Seigneur qui a donné cette promesse. Aucune des saintes brebis ne s'égarera. Aucune. Oh Seigneur, regarde comment les gens périssent là-dedans. Ils périssent où? Chacun va en son lieu. Lui-même, il était là. C'est pas lui qui a envoyé Judas que va faire ce que tu as fait. C'est pas lui qui a dit que va faire ce que tu as fait. N'est-ce pas lui qui est venu pour sauver le monde? Judas n'était pas dans le monde. Judas n'était pas dans le monde, Judas Iscariote. Mais il dit que ce que tu as fait, fais-le, non? Il meurt, il part où? En son lieu, en enfer, frère. Ses disciples disent, oh, ça c'est un marabout, là, on ne peut pas pleurer dans ces gens, chapitre 6. Ils partent, on lui devait les expliquer tout d'un. Je ne dis pas ma chair ici. Il les laisse tranquille partir. C'est pas ça? Il se tourne encore vers ses disciples, il dit, mais vous-même, vous ne partez pas. Hein? Pour dire que la chose là, salut ou pas, même pas salut, on ne supplie pas quelqu'un. Il s'agit de la chose de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le salut. Alors, s'il est le salut, il se révèle donc à qui il veut. Et souvenez-vous, s'il se révèle à toi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé depuis le moment de la manifestation de ton salut est arrivé. C'est ça dont c'est les questions. Donc, ne courez pas que vous allez, il va aller sauver, je vais aller sauver. D'abord, allez, vous allez confirmer ce qu'il en est. Donc, ce soir, on va parler, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Attelez-vous à affermir votre relation avec le Seigneur. C'est ça qui donne les questions. Donc, entrez dans la repentance. Entrez dans la repentance. C'est le message de l'Église de notre époque. Il faut se repentir et préparer la venue de notre Seigneur. Parce qu'à tout moment, il peut faire son entrée dans le monde. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Préparons-nous parce que sa venue est imminente. Préparez-nous. Je sais que des tendances disent que Christ ne peut pas enlever l'église avant la grande tribulation. C'est au milieu de la grande tribulation qu'il va enlever avant la grande tribulation. Quand on sera parti, il comprendra de quoi il est question. Donc, la discussion avant la grande tribulation, après la grande tribulation, quand on sera parti, donc, il y a des prédicateurs qui prêchent aux gens de préparez-vous à vivre la grande tribulation. Ils vont vivre. Absolument, parce qu'ils sont dans cette onction-là. Nous sommes dans l'onction de partir dans les cieux, parce que l'épouse ne passe pas par la tribulation. Voilà. Voilà. La semaine dernière, s'il y a des questions ou bien quelque chose, souvenez-vous, pendant ce moment de jeûne, si Dieu vous montre quelque chose, écrivez. Ça va servir pour quelqu'un. Ça va servir pour quelqu'un. Ne gardez pas. Quant à ce qu'il y a de l'explication, les ténèbres sont d'envoyer l'église. Dieu a donné sa direction, c'est la repentance. Ne tolérons pas avec les péchés. De vous me suivre. Comment vous êtes plaint comme ça? On vous a envoyé la nouvelle quand on devait être là aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu dans le livre des Psaumes, chapitre 25, versets 11 à 12, que le Seigneur est bon et droit. C'est pour ça qu'il montre aux pécheurs la voie. Et la Bible déclare dans ce verset 11 des Psaumes que quel est l'homme qui craint le Seigneur lui montre la voie qu'il doit suivre. Et on a passé du temps, le Saint-Esprit nous a fait passer le temps à lire dans le livre des Psaumes, de Proverbes, chapitre 8, particulièrement le verset 13, pour nous donner quelle était la définition de la crainte de l'Éternel. Et nous avons vu que la crainte de l'Éternel dans ce livre de Proverbes chapitre 8, verset 13, veut dire c'est la haine du mal. Donc celui qui hait le mal, plus tu hais le mal, Dieu va te préparer à te montrer la voie qu'il a choisie pour toi. N'est-ce pas, mes frères? C'est ce que nous avons vu. Nous avons traversé, nous avons vu le livre de Job, chapitre 28, le verset 28, sur la définition de la sagesse selon Dieu et de l'intelligence selon Dieu. Nous avons vu cela séparément. Et nous avons conclu effectivement que la sagesse selon les hommes n'est pas la sagesse de Dieu et l'intelligence non plus. Parce que sur le plan humain, les gens sont intelligents lorsqu'ils fréquentent, ils ont beaucoup de doctorats. Et Dieu dit là-bas que cette sagesse-là, c'est quand on craint, quand on hait le mal, quand on s'éloigne du péché. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Et principalement, nous avons travaillé sur la séparation. Et quoi que ces trois choses qui nous avaient été données. Première chose, la séparation définitive. Donc il faut qu'on se sépare définitivement de ce qu'on sait comme étant une désobéissance. Je crois que nous avons terminé avec le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 14 à 17, où nous avons vu effectivement comment Dieu dit, sortez, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial, n'est-ce pas, frère? Et selon ce qu'il dit, la Bible déclare que, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Donc il n'y a pas d'accueil sans être séparé. C'est un peu comme les gens, les jeunes filles vivraient avec un garçon, dit, quitte ce garçon, vous ne devez pas vivre dans l'impudicité. Il dit que non, non, le jour où je vois mon mari, je vais me séparer. Donc il va quitter la saleté pour aller salir quelqu'un. Donc Dieu veut qu'on ait une séparation. Quand on fait la séparation, c'est comme Dieu en train de dire, on passe par un moment de désert. Dieu ne sépare pas de l'Égypte pour faire entrer rapidement. Non, ce n'est pas ça. Sinon, tu vas reposer des choses. C'est ça que les gens ne saisissent pas. Il y a des choses qu'il faut comprendre dans cet intervalle de sortir de l'Égypte pour entrer. Dieu fait qu'un moment se passe là-bas pour que tu te rends compte que l'Égypte t'a contaminé, que l'Égypte t'a souillé. Quand les Juifs étaient en Égypte, malgré qu'ils étaient contre les Égyptiens, ils étaient en colère contre les Égyptiens parce que les Égyptiens les faisaient des travaux durs. Ils n'en aimaient pas moins qu'ils copiaient les dieux, ils copiaient les coutumes sans s'en rendre compte. N'est-ce pas dans le désert, ils ont vu que la première réaction des dieux qu'ils ont voulu adorer, ils ont adoré le dieu égyptien, Baphomet. C'est ça? C'est ça qu'ils ont fait dans le désert. Et ça sort de l'Égypte. Donc malgré qu'ils étaient à distance par rapport à certaines choses de leur vie, ils ont copié beaucoup de leurs coutumes. Et particulièrement, ils adoraient les dieux parce qu'ils n'avaient pas eu aucune autre référence. Ils ont grandi sous cette... Ah mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Ces choses, ça m'amène, ça me fait un genre. Ils ont grandi là-bas. Un enfant comme ça naît en Égypte. On fait le culte n'importe comment. Il n'a pas autre référence autre que ce qu'il a. On a grandi tous avec les principes dénominationnels déjà établis. C'est donc pour cela que vous devez comprendre ces choses. Quand vous dites à quelqu'un qu'il ne comprend pas, comprenez-le. Parce qu'il n'a pas eu grand, il n'a pas eu à voir le vrai. Quand vous voyez un musulman, par exemple, un pays musulman, il dit Allah, Allah, il tue, ou bien il met les bombes. C'est normal parce qu'il a grandi dans cette culture. Le premier jour qu'il est sorti devant, quand il fait on a fait boum quelque part. Donc, son premier bienvenu était le bruit d'une bombe. Donc, il est habitué à la bombe. Donc, vous restez même palestinien, ça fait boum. Il continue à manger le bombe pendant que tu fais comme ça. Là. Lui, il est habitué à ce son-là. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, c'est tout naturel qu'il peut mettre la bombe sur lui, aller n'importe où, bombarder parce qu'il a l'habitude à voir. Mais pour toi, ce sera un scandale parce que tu n'as pas grandi dans cette atmosphère. Donc, ceux qui ont grandi avec les dénominations vont avoir ces choses-là, à moins que Dieu te donne la grâce de ne pas avoir été contaminé par cela. Si tu es à l'intérieur, on va parler, tu vas dire, mais pourquoi? Il y a quoi de mal à cela? Frère, si tu avais été de l'extérieur et que tu vois ce que la Bible dit, tu vois cela, tu vas voir effectivement qu'il y a le mal. Que le mal, c'est que tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Si ce n'est pas fait d'après le modèle originel, imaginez que Moïse, dans le désert, disait que non. Le modèle que j'ai vu au ciel là, qui peut vraiment réaliser ça, c'est trop compliqué. Faisons un peu comme le palais de Pharaon. Il sera en train de faire sa part. Vous entendez ça, frère? C'est pour cela qu'il lui fallu que Dieu associe à lui. C'est Dieu même qui lui montre les ouvriers avec lesquels il va travailler. Que regarde encore tel, j'ai mis mon esprit en lui. Ils ont l'intelligence pour réaliser plusieurs sortes d'ouvrages. Alors quand Moïse se tient là-bas, il dit que le fait quelque chose de deux coudées. Il réalise parce que l'esprit qui est sur Moïse est sur lui. Quand Moïse parle dans la vision, il peut voir exactement ce qu'il a envie de faire. Vous voyez ça, d'essayer de faire quelque chose pour Dieu sans son esprit. Sauf que chaque fois tu vas te casser à tout bout du chemin. C'est ce désordre-là qui est installé. Parce que les hommes veulent faire des choses spirituelles de façon mécanique et charnelle. On croit effectivement que c'est pour ça que vous voyez le programme séminaire pour former les leaders, séminaire pour les mariés, séminaire pour ceci. Ils croient qu'en faisant trop de séminaires, les gens seront rigoureux. Souvenez-vous de ceci. La Bible que vous avez là, beaucoup d'entre vous avez lu la Bible, toute la Bible, n'est-ce pas? Vous connaissez le commandement de Dieu à la lettre, n'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait que vous n'obéissez pas? Il faut l'esprit derrière. Vous pouvez connaître toutes ces choses. Si vous, Satan connaît cela. Il ne peut pas obéir. Parce qu'il faut l'esprit qui accompagne cela. Souvenez-vous de la promesse qu'il avait donnée dans ce livre d'Ézéchiel 36. Il dit, je tenais de vous le cœur de pieds, je mettrai le cœur de... Je mettrai mon esprit en vous, je fais à ce que vous obéissez à ma parole. Sans son esprit, tu mens. Sans son esprit, tu vas faire n'importe comment. Tes yeux, tu vas pleurer, tes yeux vont grossir. Que, oh Seigneur, jusqu'à quand, comment je souffre, comme je veux, mais je ne veux. Ce n'est pas, il ne faut pas que ce soit que je veux. Il faut qu'il accorde la grâce que tu vives cela. Vous me saisissez, frère? Donc, il faut donc la séparation. Donc, ici, il faut absolument notre coopération. Il faut absolument notre coopération. C'est-à-dire quoi? Faites ce que Dieu vous demande de faire par obéissance. Et laissez-le faire ce qu'il a dit qu'il va faire. On a une part de responsabilité, il a une part. Vous avez une part de responsabilité. Quand la Bible dit « Repentez-vous », il vous a donné la main. Quand il a dit « Venez et plaidons », il vous a donné la main. Quand il dit « Venez et plaidons », dit le Seigneur, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » La décision ne nous concerne pas. Pour nous, c'est de venir et plaider. Il a donné l'ordre. Il dit chaque fois ce que nous devons faire, et en contrepartie, c'est que lui, il doit faire. Vous m'aimez, frère? Donc, on peut continuer ce soir si vous le voulez. Deuxième thème, c'est quoi? La restitution effective. La restitution effective. La restitution effective. Toutes ces choses qui sont développées autour de ces trois choses, de ces trépieds-là, c'est un style de vie. Ce n'est pas une vie pour une période. C'est-à-dire quoi? Ce sont les choses qu'on a entraînées dans nos backgrounds spirituels sans s'en rendre compte que ce sont des pierres d'achoppement. Et donc Dieu vient de voir qu'enlever telle chose, faites telle chose. Il met les petits plats dans les grands, il met les petits pierres afin que nous grandissions comme ça. Apparemment, vous êtes fatigué ici. Vous êtes fatigué. Prenez l'eau là, 5 minutes, prenez l'eau parce que les gens font leur tête comme ça. Oubliez qu'il est 18h, vous devez couper le jeûne. Là, il y a des gens qui ne supportent pas. Au mieux, je continue. Si je continue, c'est dans 2 heures, je vais arrêter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est unanimement Amen. Ou bien d'autres disent Amen. Vous voyez que Amen là, c'est pas vraiment Amen. Non? Donc, s'il vous plaît, buvez vraiment dans la tranquillité rapidement et puis on continue. Je vous attends. Comme ça, on voit là on va commencer avec la restitution. S'il vous plaît, trouvez les outils. On s'assoit comme on était à la commune prochaine 9h de temps là. On s'assoit, on parle de la parole. Il y a des choses. Bénissant et très enrichissant dans la parole où on ne peut pas en deux heures épiloguer là-dessus. D'accord? Trouvez le temps. S'il y a un ferry qui doit arriver, faites-moi signe qu'il y a un ferry tel jour. On se réunit. Du matin jusqu'au soir, on parle. Si c'est ça, peut-être même un jour plus tôt. Plus tard, on fait même 2 jours dans la parole. Et dans sa présence. Et vous voyez si les choses n'arrivent pas. Bon arrivé, d'accord? D'accord? Merci. Tu sais que tu as des problèmes aussi. Tu n'as pas de problème. Tabla. Ça va, frère? Voilà le groupe de gens qui ont dit tout à l'heure qu'ils ne veulent pas boire. On a apporté l'eau. On le dépose sur la table pour attendre. Je voulais voir que quelqu'un a déposé sur la table. C'est maintenant. Chacun dépose ce qu'il fait. Attends, comme tu es allé t'asseoir là où c'est mou, là, je te vois dormir. C'est que je vais te faire ce que tu fais aux élèves, là, tu vas voir. On ne peut pas vous permettre de dormir, ça dérange, n'est-ce pas? Donc tu cherches dans l'autre, tu vas mettre le dos un peu. Bon, on commence, n'est-ce pas? Lorsque j'étais à l'université, quand il commençait à prêcher l'évangile, j'avais un camarade de classe qui m'a fui à cause de ce qu'on va voir maintenant, la restitution. Vous savez ce qu'il faisait? Il était devenu un agent des sociétés de distribution de l'énergie sans en être un. Qu'est-ce qu'il fait? Suivez attentivement. Le courant, comment on donne de l'électricité comme ça? Je ne sais pas comment il a fait, Le courant passait sur lui, le compteur ne tournait, ça ne consommait pas. Donc, je ne sais pas comment il a tripatouillé. Donc, le courant qui venait chez lui sortait directement des IDEA. Donc, ça sort comme ça, là, ça ne passe pas par le compteur. Et par conséquent, au quartier, tous ceux qui voulaient prendre le courant, c'est chez lui qu'on prend le courant. Et on lui payait la lumière. Donc, quand tu prends le courant chez toi, tu mets un compteur divisionnaire. Il vient, chaque mois, il relève. Il te donne tout ta consommation, c'est comme ça. Et subitement, un jour, quand il était en train de prêcher, il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas que c'était comme ça. Je lui ai dit, par exemple, vous savez quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Il dit, par exemple, si un homme vole le courant, s'il croit, il va aller confesser ça chez à la sonnelle. Il m'a regardé comme ça, là. Il dit que ne me dit plus les choses comme ça, là. Il dit, quoi? Il dit, par exemple, que c'était pour lui dire que si tu crois, oh, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne sais pas que c'était lui effectivement qui était. Je comprends peut-être qu'il a dit, je ne sais pas comment il a pris cela, mais quand il a réagi, c'est là où il m'a expliqué que j'ai compris maintenant pourquoi le Saint-Esprit disait cela. Et il m'a fui à cause de cela. Mais plaise à Dieu qu'il monte, qu'il descend n'importe où, il va passer par là. Parce que tôt ou tard, soit tu payes à soi, ou bien tu payes à Dieu. Vous suivez cela? Alors, il avait déjà distribué, il pouvait avoir par mois comme ça, imaginez seulement, imaginez dans la zone universitaire. Touche derrière le campus, là, touche derrière le campus, on appelle ça poulailler. Là-bas, la zone, là, il distribue la lumière là-bas. Il y a un grand bailleur. Donc, on est au campus, pendant que j'ai le problème des formats, lui n'a jamais le problème. Il vient, que sa bouche avec toujours en rond. Comment un étudiant vit toujours comme ça, là? Nous maigrissons, lui, il grandit. C'est quand il parlait qu'il a compris effectivement d'où sa source de richesse venait. Or, ça veut dire que la société d'électricité a un manque à gagner. N'est-ce pas, frère? Il est en train de commettre un tort à cette société. Maintenant, supposons donc qu'il a fait ça pendant 10 années et que le bilan de chaque année, c'est 1 million qu'il gagne par année. Et en 10 années, il aura combien? 10 millions. Donc, s'il croit, il a 10 millions à verser à la sonnette. Je vais aller doucement. Je vous ai posé la question de le doigt, vous m'aimez? Vous avez dit oui, non? On est obligé d'avancer, n'est-ce pas, frère? Je ne peux pas vous laisser les pieds dans vos chaussures. Il faut que je vous aide à enlever. Il faut que je nous aide à enlever. Pour que si on ne vous a pas dit cette vérité, c'est que vous sachiez que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu, avec la fraude. Vous ne pouvez pas avancer. Donc, quand il a suivi comme ça, je lui ai parlé, je lui ai dit que non, attends, père, si c'est même 10 millions, sache qu'il y a les intérêts que tu vas verser. Non, tu dis, pardon, Sonel, voici tes 10 millions. Mais comme je t'ai fait du mal, il te donne même 5 millions encore. Il a dit que tu es fou seulement. Qui dit si tu vas? Mais c'est la norme de l'écriture. Il faut donc restituer tout ce qu'on a frauduleusement ou malencontreusement acquis qui ne nous appartient pas. Il faut le restituer. Restituer, ça veut dire que remettre au légitime propriétaire. Nous allons voir cela dans la Bible. Attends, c'est moi que les versets viennent. Dès que j'aurai une base de scripture, on pourra avancer. Mais en attendant, il va toujours parler. Si par exemple, il y a des gens que vous voyez un homme, peut-être un homme peut avoir son frère. Supposons que voici mon frère. Je suis sur le lit d'hôpital, je vais mourir. Je dis, voici les documents de mon terrain. Voici les documents de ma maison. Quand mon enfant va grandir, donne-le cela. il dit dans son cœur que oui, non. Pour dire que non, je vais prier pour toi, comme ça tu ne meurs pas. Dans son cœur, c'est que meurs vite mon type. Meurs vite mon type. Quand la personne meurt maintenant, il détient quoi? Les documents. Comme il a les documents originaux, il peut falsifier comme il veut. L'enfant grandit. Il grandit, l'enfant souffre. Il va même chez son oncle qui a le papier. Il ne sait même pas que il a les propriétés qui lui appartiennent. On va commencer subitement, celui-là est riche dans la famille, mais l'enfant est dérangé, est appauvri, manque même de collage. L'enfant ne connaît pas qu'il a la propriété de Dieu, que Dieu lui a donné. c'est un droit légal quand quelqu'un te donne sa dernière volonté en disant que quand je ne suis pas là, fais ceci à ma postérité. Je vous le dis, vous êtes entré dans une alliance terrible. Vous avez une responsabilité d'une postérité entre vos mains. Et tu prends par exemple, si c'est le champ, tu envoies tes enfants à l'école. Tu vends une partie, tu envoies tes enfants en Europe. Entre-temps, le légitime propriétaire est en train de souffrir. C'est une malédiction qui n'a pas de fin. Puis encore, si la personne qui a fait cela meurt, voilà une génération de perdus. Alors maintenant, si cette personne-ci, à qui on a remis cela, après avoir fait des années en oppressant l'enfant, croit à l'évangile, il va devoir se confesser devant cet enfant-là à genoux. Remettre entièrement, souvenez-vous de ceci, entièrement ce que le terrain a. Si c'est une maison, s'il a mangé les, vous savez, quand on met en location, les locations, si ça a fait 20 ans, il va donner ses 20 ans d'argent qu'il a mangé à cet enfant pour être tranquille. S'il a produit des champs et que ça a produit de cacao et que chaque cacao c'est 2 tonnes par an, il va restituer entièrement pour être en règle avec le Seigneur. C'est la Bible. Jérémie, allons-y ici. Jérémie, merci Père. Merci. C'est la Bible. Donc préparez-vous. Au fur et à mesure que les versets vont devenir, je vais vous en donner. D'accord? Jérémie chapitre 5, notez. On va lire un seul verset. Je crois que tout à l'heure nous étions, quand le frère parlait de la vision, nous étions dans ce Jérémie chapitre 5 là. Oui, donc on a les parties verset 20 jusqu'au verset 25. Oui. Vous êtes. Préparez-vous par que ça. J'ai la pression là maintenant. Préparez-vous, vous êtes prêts? Jérémie chapitre 5. On va lire le verset 27. On va commencer par là, puis je vais vous donner certains d'autres versets. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Permettez-moi de l'ouvrir. Jérémie chapitre 5, le verset 27. Vous y êtes? Écoutez. Comme vous voyez ce qui est en train de décrire comme exemple. Regardez ce qu'on se trouve dans ce Jérémie, comme c'est venu là. Regardez. Comme une cage. Vous n'êtes pas encore ouvert. Aidez quelqu'un à trouver Jérémie. Pourquoi? Je veux qu'on nous ayons ensemble. Vous êtes tout le monde là? Hein? Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ce qui est écrit dans ce Jérémie, chapitre 5, le verset 27? Donc, des personnes sont emprisonnées, enchaînées. Et la personne qu'on a fraudée est enchaînée parce qu'il lui manque ce qui lui est dû. Et la personne qui a fraudé est en cage parce qu'elle a mangé injustement ce qui doit à quelqu'un d'autre. Les deux sont prisonniers. Et celui qui est dans le cage et celui qui a mis les gens dans le cage. Faisons attention. Jérémie chapitre 5, verset 27. Il dit comme un cage est rempli d'oiseaux. Ainsi, tu vois comment les maisons sont remplies de fruits. Ils sont riches. Par la richesse. Observez tout simplement. Je vais y aller vraiment ce soir. Vous voyez par exemple, quelqu'un travaille dans les impôts. Travaille sur d'autre façon. Ça, c'est dans le monde, ça. Dans le monde. Notez Romains chapitre 13. Notez. Romains chapitre 13. Je reviens vous donner le verset. Si vous êtes. J'avance. On y va. Notez Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. On y va. Si vous êtes d'accord, vous finissez que j'avance. Nombre chapitre 5, les versets 5 à 10. Notez, j'avance rapidement. Merci Père. Merci Père. On avance. Nombre chapitre 5, les versets 5 à 10. On avance. On avance, papa. Amen. J'ai dit d'abord Jérémie chapitre 5, verset 27. Lévitique chapitre 6. Non, Romains chapitre 13. Lévitique chapitre 6. Nombre chapitre 5, le verset 5 à 10, c'est ça? Ézéchiel chapitre 33. Oh mon Dieu, c'est beaucoup là-dedans, c'est beaucoup. Waouh. Ézéchiel chapitre 33, les versets 15 à 20. On va parcourir quelques-uns là. Psaume chapitre 10, le verset 7. Là, les psaumes également, on va parcourir. Waouh, waouh. Bon, on va aller dans le livre de Sophonie, Amos et au-delà dans le Nouveau Testament aussi. Ah, c'est beaucoup là. Je crois que je vais lire ça au fur et à mesure que ça va venir. Ça me presse là. Oh, le prochain verset, c'est. Allons-y dans le livre de Lévitique chapitre 6. Lisons donc Lévitique chapitre 6. Regardez. C'est terrible ce qui se trouve. Notez Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19. Oui, Romain 13. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. Au fur et à mesure, on va lire selon ce qui revient. Lévitique chapitre. chapitre 6. Nous parlons ce soir de la restitution effective. Donc vous voyez les gens qui construisent des grandes maisons. Vous venez voir un fonctionnaire qui a 200 000 francs le mois. Prenons le niveau moyen, 200 000 francs le mois. La personne a travaillé 5 ans comme fonctionnaire. Construit une maison de 42 millions, 50 millions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Faites seulement. Lévitique, permettez-moi de trouver Lévitique, chapitre 6. Voilà, j'y suis. Vous y êtes. Notez le verset 1 jusqu'au verset 22. Notez chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 22. Donc, on va lire le verset 1 à 6 maintenant. Maintenant, regardez, suivez attentivement. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Il la déposera près de l'Éternel. Puis il quittera cela. Vous y êtes? Vous y êtes, frère? Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres. Porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Vas-y, aide là. Quelqu'un a compris quelque chose? Ne dites pas Amen, frère. Ne dites pas Amen rapidement. Ne dites pas Amen. Ayez les yeux fixés sur ces versets, passagers, ça vous saisissez. Regardez. Vous savez ce que le sacrificateur va faire avec ses vêtements? Qu'est-ce qu'il fait? Vous regardez, frère, regardez le passage, regardez. Il change. Pourquoi? Ah, Seigneur. Nombre chapitre 5. On va revenir dans Lévitique là, parce que vous en donnez encore d'autres passages là-bas. Nombre chapitre 5. Il dit le verset 5 au verset 10, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Dès qu'on quitte ce livre des Nombres, on revient dans Lévitique au chapitre 25 maintenant, à partir du verset 20. Notez seulement. L'Éternel parla à Moïse et dit. Je dis encore, souvenez-vous, c'est la parole du Seigneur, c'est Dieu qui dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Hein, et il son dans son l'objet mal acquis, en y ajoutant, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu. Je vais dire quelque chose d'avancer. Il commence par dire que l'Éternel a dit à Moïse, en disant aux enfants d'Israël, que lorsqu'un homme se rendra coupable devant l'Éternel en péchant contre son frère. Donc, vous voyez effectivement pourquoi chaque chose que tu auras fait à quelqu'un, tu auras offensé le Seigneur, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit au verset 6 là-bas. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel. Vous avez vu ça? il pêche contre son prochain. Donc, c'est le tort qu'il a commis, c'est sur le prochain. Mais on dit que cette tort-là, c'est une infidélité devant le Seigneur. Notez le psaume 101, merci Père. Notez le psaume 101 aussi. Ah, c'est terrible là. C'est bon. Bon, on va quand même parler. Vous avez dit que si on même parle en deux instants, c'est bon. Psaume 101, le verset 5 à 7 là. On va lire là-bas. Il y a conquis ici. C'est merveilleux ça. Donc, tout le monde, il va. Je veux que vous saisissiez ceci, qu'il n'y a pas de vie chrétienne, ni de relations claires et sincères avec le Seigneur, si vous avez en vous, dans vos vies, des objets de fraude, des objets mal acquis, vous devez restituer. Ça va du stylo jusqu'au caleçon, en passant par les habits, au terrain, les voitures et autre chose que vous pouvez nommer. C'est-à-dire, par exemple, papa, quand il vient par là chez moi, il dit que ton livre, s'il me plaît, il donne le livre. Il prend le livre, ça lui plaît tellement qu'il garde. Il fait comme ça, il laisse le temps dur. Alors, comme plusieurs personnes viennent me voir, j'oublie que j'ai donné le livre. Il n'en demeure pas moins que je lui ai donné le livre. Je ne lui ai pas donné pour qu'il le fasse définitivement. Il doit mon livre. Donc, il doit quoi? Restituer. Si vous faites comme si vous avez oublié, Dieu n'a pas oublié. Vous avez commis du tort. C'est ce qu'il a dit dans celui des nombres. Il dit que lorsque tu vas commettre ces choses-là en passant contre ton prochain, je veux que vous compreniez que si n'importe quel mensonge, quelle fraude que tu fais envers quelqu'un, tu viens d'être infidèle à Dieu. Notez le psaume 115, merci Père. Chaque tort que tu vas commettre devant un homme, chaque tort que tu vas commettre en extorquant ces choses, il y a des gens qui volent les impôts à l'État. Des gens qui sont sous un régime, par exemple, ils font le commerce, ils sont sous un régime de patente. Ils vont dans un autre régime pour pouvoir frauder l'État. Il doit se restituer. Alors mon ami là, mon ami que j'ai tant de parler, c'est par rapport à la fraude des compteurs. Il a dit, si tu veux arranger ça, qu'est-ce qu'il va faire? Tu pars contre la société qui fait de l'électricité là. Tu dis, quand, tu dis oui, tu viens. Il dit, je viens confesser parce que j'ai volé. Il dit, tu as volé quoi? Tu dis, je vole la lumière. Si on dit qu'on attendait là-bas, on appelle l'avocat et les gendarmes. Il dit que mais, je peux aller en prison, il dit que justement tu seras en train de payer pour ce que tu as fait. Il m'a regardé comme ça, il dit que tu es fou. Voilà où tu peux passer. Dans la Bible, on voit que les serviteurs du Seigneur sont entrés dans la prison pour ce qu'ils n'ont pas fait. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 que personne d'entre vous ne souffre comme étant voleur, n'est-ce pas? Mais s'il souffre comme étant voleur, c'est parce qu'il faut qu'il se paye cela. C'est pour ça qu'il faut que ces choses-là ne soient pas dans nos vies. Quand on va, si Dieu permet qu'on finisse aujourd'hui, on va brosser l'Ancien Testament d'abord, ça établir, et voir ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et si ce n'est pas comme ça, je vais citer dans le Nouveau Testament, ou bien les événements qui sont dans le Nouveau Testament, ça va vous réveiller. D'accord? Continuons ici. Il dit, verset 7, il confessera son péché et il le restituera. Vous voyez cela? C'est-à-dire, première chose, comme pour le cas de livre, pour le cas du garçon dont j'ai parlé tout à l'heure, là, il va d'abord aller chez la sonnelle, dire que je viens parce que j'ai fait du tort. On lui demande c'est quoi? Parce qu'ils seront surpris. Le problème, c'est que tu le fais sans que l'autre partie ne soit pas au courant. L'autre partie ne soit pas au courant, tu es quand même pécheur devant le Seigneur parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable. N'est-ce pas? Alors, tu dis, je suis venu parce que je suis venu me confesser. Et là, tu as fait le premier volet de ceci. D'accord? Il vient confesser du fait qu'il a volé la lumière. Deuxième chose, on t'a volé la lumière, oui. Alors maintenant, tu dis maintenant, je suis venu pour restituer. On dit, mon ami, ça ne se passe pas comme ça, tu ne sors plus ici. Donc, c'est la police qui va venir te chercher. En allant, quand tu vas sortir même de la prison, tu seras en paix. Parce que tu sais que tu as fait un acte dont le divin créateur veut que tu fasses. D'accord? Puis encore, il y a des gens à l'extérieur. Vous voyez, les gens qui disent ici, il y a des gens parmi nous ici qui ont essayé de voyager, ça n'a pas donné. Tu vas regarder quelqu'un à 4 âges. Le jour d'anniversaire, il ne sait même pas quel est son vrai jour d'anniversaire. Ils font les cartes d'entrée, ça ne sort pas. Il faut le cas d'entrée, il fait dans un commissariat, puis il fuit par là-bas. C'est que le juge va aller chercher là-bas. On va dire, mon ami, double d'entrée, va le rattraper. Il passe plus dans le commissariat là. Commissariat après commissariat, il a les cartes d'entrée. À l'extérieur, il s'appelle le nom de son petit frère. Je connais des gens dans cette propre ville-ci qui fréquentent aujourd'hui, qui travaillent aujourd'hui avec le nom de leur petit frère. Quelqu'un est mort dans la famille, il n'a pas le diplôme, il prend le diplôme. Il peut négocier. Vous regardez les fraudes partout et partout. Il peut négocier, on lui met quelque part, il travaille. Tu le vois là-bas, il bosse, comment dire, oui. Tu l'appelles que, oh, supposons qu'il s'appelle Gabriel. Tu dis Gabriel, il ne m'appelle plus Gabriel. Est-ce que vous saisissez? Quand j'étais à l'université, toujours, j'ai un ami avec qui on habitait, on jouait au ballon. Ça n'a pas fait une semaine, on dit qu'il est le Canada. Il dit, ce garçon-ci, il a fait comment, vous savez, les Camerounais, il a fait comment pour arriver au Canada, là. Écoutez très attentivement. Le mari de sa soeur est décédé. Sa soeur est venue au Cameroun avec son mari. Écoutez très attentivement, mes frères. Le mari de sa grande soeur est venu au Cameroun. Il est décédé. Il manquait 4 jours. Le gars a pris son passeport, son visa, rentré au Canada avec. Donc, au Canada, son mari n'est pas décédé. Au Canada, il est le mari de sa soeur. Tu l'appelles de son nom, tu me connais, il t'ignore. Il va monter, il va descendre. Il va résoudre ses problèmes de ces jours. Si coince l'évangile dans nos prêchons là. Il va devoir le confesser à l'immigration que depuis 2000 ans, je sens de vous tromper. En fait, j'ai seulement pris l'identité de quelqu'un. Si vous voulez me rapporter, si on veut le rapporter, on va le mettre en prison, mais en prison. Si on a grâce de le restaurer, on le restaure. Mais regardez comment quelqu'un peut être intelligent. Donc pendant qu'on pleurait son beau-frère ici, il était au Canada pour attendre sa grande soeur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça que si l'ambassade entre en contact pour savoir qu'il est mort, c'était son occasion pour pouvoir partir. Et il est parti, il est effectivement là-bas. Il a gratté la photo sur qu'on revêt. Quand tu viens à l'aéroport pour la veille, il fait le nerveux comme ça. Tu crois que toi tu regardes, tu dis mais. Il dit mais la dernière fois, il venait rentrer au Cameroun, il faut qu'il rentre rapidement. Il rentre et on le laisse passer, il descend. Ils ont les Camerounais ont le gros cœur. D'autres voyagent même avec le passeport des femmes. Il dit que les garçons, il vous le dit que c'est terrible seulement. Il regarde la femme comme ça là, il va au salon de coiffure. Il fait le coiffure comme la femme qui est sur la photo. Il part au, à l'aéroport ou le voyage à l'aéroport en train de faire comme ça là. Avec les mollets qui sont durs. Jusqu'à ce qu'il parvient à voyager. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Parce qu'il croit que c'est là-bas qu'il y a de l'avenir. On a vu donc là-bas, maintenant, on peut entrer dans la possession, entrer dans l'homosexualité, dans tout genre de développement, parce qu'on veut dire qu'on dise qu'on est à l'extérieur. La position que quelqu'un peut vraiment être content, c'est être en Christ. Quand tu es en Christ, tu es à l'île de Patmos. C'est là où il y a les révélations, vous savez ça? L'île de Patmos. Donc, la restitution fait partie de la doctrine de Dieu. La restitution, le principe de restitution fait partie de la doctrine de Dieu. En fait, c'est pour cela que dans le livre de Michée, c'est fait plein là. Notez également Michée, notez Amos aussi. Je vais y arriver maintenant. Notez seulement Amos et Michée, vous donnez le chapitre et le verset. Il dit ici, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Vous avez vu cela? Il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Donc, durant ce moment, si vous allez prier, nous sommes en train de prier de la séparation. Regardez bien, on a dit de la séparation définitive, c'est ça? Lorsque nous nous séparons des choses, on ne peut pas avoir quelque chose. Vous avez quelque chose à la maison qui ne vous appartient pas. Cherchez le propriétaire. Vous avez quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent et que vous n'avez pas restitué. Appelez la personne, restituez. Faites l'effort, mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Ne devez rien à personne, dit les Saintes Écritures dans le livre de... Dans le livre de... Chapitre... Verset... 8. Non, finalement, vous avez le verset. Non, j'ai dit dans le chapitre 13, vous avez le verset. Vous voyez cela? Mais avant cela, il dit que rendez honneur à qui vous devez, impôt à qui vous devez. C'est un commandement, frère. Les chrétiens ne payent pas les impôts. Les pasteurs font des campagnes d'évangélisation. Ils branchent la lumière directement sur le poteau. Quand il lui demande, il dit que c'est la lumière des Camerounais. Que lui-même, il est Camerounais. Des agissements. Et on fait comme ça, on prend le micro, on parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui est vérité. On l'appelle en étant dans la fraude. Il vous a donné le psaume 101. Le psaume 15. Ok. Le psaume 10, verset 7. Vous avez noté également ça. Le psaume 10, verset 7. Ok. Mais c'est terrible seulement ce qui est contenu. Donc Dieu dit ici qu'il confessera son péché. Souvenez-vous que c'est le premier principe. Je vous sens d'avancer doucement que vous saisissez. Lorsqu'on commet une infidélité à un autre, lorsqu'on commet un péché face à face à un homme, nous parlons de la restitution, de quelque chose que tu dois à quelqu'un. Tu viens d'être infidèle à Dieu. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Maintenant, il dit qu'il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en lui ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Regardez très attentivement. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet, mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bébé expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu peux remettre, peut-être comme le cas de l'exemple que j'ai pris sur le terrain, le papier de quelqu'un, que vous devez de remettre et que la personne n'est pas là, cherchez les proches parents jusqu'à ce que vous les donnez. C'est pour ça que dans le livre de Ruth, vous avez remarqué, effectivement, dans le livre de Ruth, le droit d'héritage, on demandait celle-ci maintenant, comment s'appelle la fille là? Ruth, c'est ça, n'est-ce pas? Que qui a le légitime propriété? On a commencé à chercher d'abord la personne qui est plus proche, la proche parente pour celui qui a le droit d'abord. Il ne faut pas que quelqu'un use d'autres. Il dit que c'est Boaz d'abord qui a. Boaz a dit qu'il y a telle personne qui a d'abord le droit. Pas vrai? Si la personne ne prend pas ce droit, en second lieu, maintenant ça vient vers lui. Donc, j'ai le terrain de l'enfant. Le papier de terrain, comme je disais dans cet exemple-ci. L'enfant, il me rend compte plus tard que l'enfant est décédé. cet enfant-là a les enfants, je les appelle. Je dis que j'avais pris une poisson frauduleuse du terrain de votre père. Voilà. Frère, ça, on ne fait pas ceci. Toute la génération-là sont dans la malédiction. Il dit que non, je suis à l'intérieur, je crois que je ferai aux États-Unis. Ah, ouais, j'ai crié, j'ai donné ma vie jusqu'aux États-Unis. C'est l'argent du péché qui t'a amené là-bas. Et pendant que les gens sont en train de crier, je dis, oh, Seigneur, je t'aime de toutes mes pensées, de toutes mes pensées. Oui, je n'ai rien fait, c'est mon père qui a été coupable. Même lui-même n'a rien fait. C'est son père qui a été coupable de lui donner ce que ton père aussi a donné à toi. Donc vous êtes tous coupables. Il faut qu'on règle ces problèmes-ci. Lévitique, chapitre 25. Je vous ai donné le verset, ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, vous avez noté Nombre chapitre 5, n'est-ce pas, frère? Notez le verset 9 jusqu'au verset 25. Vous avez lu cela là-bas. Jusqu'au verset 26. Ben, il veut prendre la partie du verset 24 rapidement, d'accord? Regardez. Je suis dans Lévitique chapitre 25. Vous y êtes? Il dit notez le verset 8 jusqu'au verset 26. Mais je vais lire rapidement là, à partir du verset 24. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit des rachats pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui à qui le droit des rachats sont, celui qui a le droit des rachats, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Verset 26. Si un homme n'a personne qui ait le droit des rachats, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Il comptera les années depuis la vente. Puis fera quoi? Restituera le supplice à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Vous voyez effectivement cela. Donc d'une façon ou d'une autre, on a pris ton terrain. Dieu prévoit qu'il y a des fausses possibilités que tu récupères ce terrain-là. Donc tu restitues maintenant seulement ce que tu dois à la personne. Donc la doctrine de la restitution est un principe de Dieu pour que les gens n'aient pas quoi que ce soit les uns contre les autres. C'est pour cela qu'il voulait qu'il entre-aide avec les enfants d'Israël. Il a dit que si ton frère, sa pauvreté vient vers toi, tu ne dois pas lui fermer ta porte, tu ne dois pas lui fermer tes entrailles. Tu ne dois pas dire c'est parce que toi tu as travaillé, parce qu'il a mis les pauvres afin que tu saches comment faire la miséricorde. Et c'est la miséricorde dans ce livre de Deutéronome, chapitre 8. Vous suivez ça, frère? Vous suivez, n'est-ce pas? On avance. J'ai dit, après, allons dans le livre d'Ézéchiel, là. Ézéchiel, chapitre 33. Lisons le verset. Ézéchiel, chapitre 33. Notez le verset même 11 jusqu'à 20 là. 11 jusqu'à 20. Vous y êtes. Notez Proverbe chapitre 12 verset 5. Je le fais parce que je vous donne le verset pour que lorsque vous allez rentrer, vous vous asseyez, vous lisez, puis vous méditez avec. Proverbe chapitre 12 verset 5. Je vous ai dit de noter Michée tout à l'heure, n'est-ce pas? Michée chapitre 6. Verset 1 à 15. On va le prendre quelques versets là directement. Michée chapitre 6, verset 1 à 15. Michée chapitre 6, verset 1 à 15. Je vous ai dit également de noter le livre des prophètes Amos, c'est ça? Chapitre 8. Les versets 4 à 9. Donc, ouvrez rapidement, parce que pour ouvrir Amos, c'est pas facile. Ouvrez Amos, vous mettez le doigt là-dessus, et puis on lit Ézéchiel 33, c'est. Donc, Amos, chapitre 8, verset 4 à 9. Michée, chapitre 6. On y va, frère. Donc, il n'est pas demandé de les lire. Mettez seulement le temps là parce qu'on finit, il va parce qu'il sait que si il finit là, vous allez avoir le temps pour pouvoir trouver. Donc, juste dans Ézéchiel chapitre 33. Regardez ce qui est écrit. Dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur. Verset 11 de Ézéchiel 33. Vous avez un nom? Tout le monde est à part, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 33, verset 11 et suivant. Dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous y êtes? Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Vous êtes avec moi? Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, vous y êtes, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14. Lorsque je dis aux méchants, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Écoutez, verset 15 maintenant, prenez attention. S'il rend le gage, virgule, s'il restitue ce qu'il a ravi, virgule, s'il suit les... Prenez somme, merci, Père. Proverbe chapitre 6, versets 30 et 31. Oui, ceci encore, ceci, la lecture, c'est ceci. Je veux que vous veniez, mes passages là. Proverbe chapitre 6. On y va. On dit verset 15. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Vous y êtes. Donc on voit effectivement comment Dieu, au fur et à mesure dans la Bible, va construire ce principe de la restitution. Donc tu ne peux pas venir pratiquer, tu pratiques la parole, tu pratiques la justice sans, avec les choses qui sont frauduleuses. C'est pour ça que le prophète va poser, le prophète Amos, dans ce livre d'Amos au chapitre 8, je vais aussi le retrouver. Amos chapitre 8, je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Amos chapitre 8, verset 4 à 9, et puis Michée chapitre 6. Amos chapitre 8. Le verset 4. Ah, c'est même pas vrai ça. Notez Job 31, verset 1 à 5. Vous voyez, ça ne fait que sortir. Job chapitre 31, verset 1 à 5. Ésaïe 53, le verset 9. On y va. Donc je suis dans Amos chapitre. Je suis dans Amos chapitre. Ouais. Chapitre 8, verset 4 à 9. Regardez. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons les fards, écoutez attentivement, nous diminuerons les fards, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Vous avez entendu ça? Donc faisons attention. Oh mon père, je suis ici d'une famille riche. Comment ton père est-il devenu riche? Les gens vont au marché. Regardez, je vous ai toujours dit que le Saint-Esprit va dans les moindres détails de ce que nous faisons. Vous avez les gens qui font les viandes, ils vendent, ils te mettent un kilo, ils te regardent dans les yeux. Tu sais que tu prends, tu sais que ce n'est pas un kilo. Mais sa balance montre que c'est un kilo. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pipé la balance. Il fait comme ça, il va faire comme ça, un kilo, deux kilos, 800 personnes, 1000 personnes. C'est comme ça qu'il vit, son ventre grossit. Il va restituer. Il va restituer. Ne commence pas à me demander qui va appeler tous les clients pour leur donner 1 kilo. C'est là que c'est son problème. Allons dans le livre de Michée, là, qui est juste à côté. Michée, chapitre 6. Regardez les versets 9 à... Prenons les versets 9 à 12. Regardez. Oh, c'est pas incroyable, ça. Je vous ai donné le psaume 31, verset 1 à 5. Job 31. Job 31, verset 1. Vous avez demandé de noter ça, n'est-ce pas? J'évite depuis là d'aller dans la partie de la nouvelle alliance. Parce que après qu'on va venir, vous allez voir encore cela dans le Nouveau Testament. On avance là. Michée chapitre 6, verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville. Et celui qui est sage craindra ton nom. Vous dites, pour la crainte de son nom, On a déjà vu ça dans le précédent message. Par rapport à la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Paternité, voilà, le semen a été menacé. Tu as trouvé toute la journée. Regardez. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un œuf à trop petit objet de malédiction? Vous avez entendu ça, frère? Tourne-toi avec quelqu'un qui dit que restitue les objets de malédiction. Restitue les objets de malédiction. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ça chez vous? Restitue. Donc faites sortir cela de votre maison. Regardez ce qu'il dit. Puis il pose la question. Le prophète pose la question. Dieu pose la question. Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Répondez à cette question. Non, il n'est pas dit de me répondre, moi. C'est un prophète de répondre. Il a posé la question, quelqu'un a répondu. Il a dit, chacun va se confronter. Tu vas demander si, quand tu dis que je vis, je suis un saint, est-ce que tu peux être un saint avec les objets de malédiction avec toi? C'est ce qu'il a dit de demander. Est-ce que tu dis que je suis saint, je marche dans la vérité et tu as un faux diplôme? Il me souvient bien d'une soeur. Ah, vous savez comment le Saint-Esprit fait les choses. Vous savez, un jour, à Yaoundé, son mari est professeur. On s'est arrangé à ce qu'elle ait le probatoire et le baccalauréat. Je lui ai parlé de ces choses aussi. Elle est restée vous-même à regarder comme ça. Vous savez, il y a des vérités que les gens n'aimeraient pas entendre. On est obligé de dire la vérité. C'est vrai que dès l'entame, la vérité est difficile parce que c'est creux. Il y a des choses qu'il faut cracher comme ça que quand tu pars, la personne, quand il se tourne, il entend seulement ta voix. Il se tourne à gauche, il entend ta voix. Quand tu prends le diplôme, tu es une bête comme ça là. Jury numéro ceci. Déclare que cette personne, tu entends, tu sais que tes pattes, ce n'est pas ton bac. Je rends grâce à Dieu maintenant. La soeur là, un de ces jours, une année, elle m'a appelé. Elle dit que frère, je suis libre. Je dis, c'est quoi ma soeur? Il dit, j'ai déchiré le diplôme, j'avais composé mon propre diplôme, j'ai eu. Il dit, comment tu te sens? Il dit, je suis en paix. Elle a déchiré, elle a composé son propre examen. Maintenant, elle travaille avec son propre papier. Vous voyez? Dernière date, c'est une autre femme qui est venue à la maison. Vous savez, les anglophones sont forts dans cette affaire-ci. Elle peut sortir comme ça, elle passe comme ça avec Pumba, elle rentre comme ça, tu vois, elle a diminué l'âge. Même si les cheveux sont blancs, tu dis, non, ne me regarde pas les cheveux blancs là. C'est le vitamine E qui manque dans mon corps. Alors que ça, en réalité, c'est l'âge qui est en train de l'entraîner. Vous voyez vous-même quelqu'un comme ça. Vous voyez le recrutement militaire qui se passe là-bas. Vous voyez un père vient. On dit c'est moins de 21 ans. Il dit que j'ai 21 ans. Vous le regardez comme ça, il dit tu as 21 ans, mon cher, tu as moins de 21 ans. Il dit que c'est parce qu'il est trop souffert. Que ne regarde pas mon visage comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas la fraude? Fraude dans la naissance. Alors cette femme est venue. Elle est venue me voir. J'ai fait depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu, il y a un garçon également qui est sorti de l'étranger. Il avait des problèmes de double nationalité, on s'appelle double identité. Vous voulez faire la carte dans le passeport, ça n'est pas sorti. Parce que vous savez que ça va dans la machine, on ne peut pas sortir cela. Il est venu me voir dire, frère, qu'est-ce que je vais faire? En fait, il est venu, il m'a posé le problème. Je lui ai dit qu'il faut que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Il n'a pas posé le problème. Il est allé. Les gens sont, moi je suis en relation avec le délégué. Je suis en relation avec le délégué. Je fais, il a donné 500 000, on a mangé. Vous savez, je suis toujours le dernier. Quand on a fini d'appuyer, c'est là où on vient. Là, on est l'appel. Il dit, ok, voilà ce que tu vas faire. Va à la délégation de la sécurité nationale, demande l'audience. Prends la fête de l'audience. Demande l'audience. Dis que tu veux voir le délégué à la sécurité nationale. Il est d'abord resté tranquille, d'abord téléphone. Il dit, tu me dis quoi, frère Junior? Il dit, tu lui dis que tu avais fait la fraude dans le truc. Il a dit, Il est d'abord resté, tranquille au téléphone. Il dit qu'on va le faire. Il est rentré à la maison. Il a dit, ok, je vais faire comme tu as dit, je vais faire. Il a dit, ton père dit que c'est le suicide où tu vas comme ça. Son père lui a dit que c'est au suicide que tu te rends comme ça. Il dit, c'est quoi? Il dit que va dire au délégué. Il a pris de l'audience. Il a dit au délégué qu'il a fait la fraude. Il a fait ça quand il était jeune parce qu'il fallait qu'il joue au ballon. Vous savez, plusieurs footballeurs sont dans ces cas-là. Il dit bien, plusieurs footballeurs sont dans ces cas-là. Le vrai problème, c'est qu'il ne comprend pas qu'il y a de mal à cela. Que c'est la fraude. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est de la fraude. Vous voyez les gens, on dit, le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun joue contre l'équipe nationale des Blancs qui est de moins de 21 ans. Vous voyez le Cameroun au stade de moins de 21 ans. Vous voyez qu'il y a les 20 déjà sur les pieds, puis jusqu'à ce que sur les pieds. Moins de 21 ans, c'est parce qu'il fait trop le sport. Des voleurs. Alors, il est allé. Il est allé faire l'audience. Il dit que quand il était dans la salle d'audience, son corps faisait comme ça. Quand chaque fois qu'un policier passait, il croyait qu'on va dire, monsieur, entre là-bas. Il a rencontré le délégué. Il a dit exactement tel qu'il dit. J'ai fait une fraude quand j'étais petit, je suis rentré au Cameroun, je vais vraiment prendre mon âge. Le délégué l'a regardé comme ça. Il a dit que pour accord, il a écrit. Il a donné à son secrétaire que va là-bas, on fait tout ce qu'il te dira. Il marchait derrière, comme il a marché derrière, il a allé. On a fait, prends ses emprunts, fais des choses, frère. Il est rentré. Première chose, il m'a appelé, frère Junior, je ne comprends pas ces choses-ci. Il dit, c'est quoi? Il dit, quand on lui a dit que va attendre, on va t'appeler. On a fait deux jours à appeler. Je lui ai dit, souviens-toi ceci. Si mercredi arrive, on ne t'appelle pas, repars là-bas. Mais avant mercredi, on l'a appelé. La deuxième fois que j'ai vu ce moment, il m'a photocopié, il a envoyé par WhatsApp la nouvelle carte d'identité qu'on a donnée. Il a dit, c'est sorti. Alors qu'on a bouffé combien? 500 000 francs. D'autres dépenses comme ça. Allez droit devant l'autorité dont il est question. Confrontez-le, dites-lui la vérité. C'est la vérité simplement qu'il faut. Dites la vérité, même s'il dit n'importe quoi, c'est lui. Il va savoir que si tu es déjà venu vers là-bas, c'est parce que tu veux marcher dans la fraude. Tu lui as dit que va là-bas, dis-lui exactement que tu es devenu chrétien et que tu veux marcher dans la fraude. Il est allé, il lui a dit, on a donné son carte d'identité. Et quand on fait comme ça, là, on donne l'accord, ça veut dire que la fausse carte d'identité qui est dans la machine, on efface. Maintenant, tu es maintenant, si tu commences à marcher là-bas. Combien sont? Quand il fait, si vous êtes, vous avez double nationalité ici, par rapport au passeport ou quoi que ce soit, vous voyez quelqu'un d'autre. Il dit qu'il va faire changer ça, il va manger votre agence, c'est une histoire. Allez à la source à Yaoundé. Allez dire la vérité que vous avez fait le faux, on restitue. Allez. Même si on parle là-bas, on vous fesse, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous êtes quand même dans la vérité. Dans la vérité. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, il dit donc, le prophète pose donc la question ici, est-ce qu'on est pur avec dans le sac de fausses effaces, avec dans la maison des balances fausses, des objets de malédiction, de fraude? Est-ce qu'on peut être pur comme ça? Vous pensez qu'on peut être pur? Donc, ça veut dire qu'on se purifie en se débarrassant de ces choses-là. Donc, pendant qu'on est de se séparer des choses qu'on sait consciemment qu'il faut qu'on se sépare définitivement, pensons donc à restituer ce qu'il faut restituer. Vous avez pris quelque chose de quelqu'un, vous avez pris emprunté de l'argent de quelqu'un, vous n'avez pas fait la restitution, restituer. Luc chapitre 19. Luc le chapitre 19. Je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Comme nous sommes dans Luc, notez Luc chapitre 3. Madame là, fais attention à le gobelet que vous avez déposé au balcon, ça risque de tomber. Luc chapitre, il dit Luc chapitre 19, n'est-ce pas? Verset 1 à 10. Luc chapitre 3 aussi noté. Verset 12 à 14. Vous prenez le temps pour travailler la dette et bien plus encore, déposez votre Bible dans un lieu calme. Commencez à vérifier votre vie. Si vous avez eu à, nous sommes au Cameroun, si vous avez eu à passer dans quatre villes différentes, commencez par la ville où vous êtes né. Restez tranquille devant le Saint-Esprit. Désirez seulement que si vous avez fait n'importe quoi, que Dieu vous ait arrêté. Vous allez voir les choses sujets que vous n'y pensez même plus. Le chapitre 19, verset 1, il s'agit de l'histoire des Zachée ici. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, un court garçon comme moi, comme ça. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous voyez, même si vous vivez dans n'importe quel péché, quand Dieu décide de faire de son entrée dans ta vie, il va faire son entrée dans ta vie. Il a passé, il y avait la foule là-bas, on cachait. Il est monté sur le coup. Il dit, c'est toi qui viens. Il est venu quoi? Chercher ce qui était perdu. Suivant Jésus dans sa maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Les collecteurs d'impôts, les gens, comme vous avez dit, on dit que quelqu'un contrôle l'impôt. Quand on quelqu'un contrôle l'impôt, vous voyez, les gens sont en joie. Ils ne sont pas en joie parce que cela va faire bien son travail pour gagner son salaire. Non. C'est parce qu'on sait qu'il y a des jours, vous entendez, on dit qu'on a nommé quelqu'un remarquable, et tous les êtres humains, qu'on a nommé quelqu'un à un poste juteux. Comment un poste peut être juteux? On a fait certaines personnes dans d'autres parties de la ville, du pays. Pourtant, quand ils entrent dans le fonction public, ils signent cela, qu'il est prêt à être envoyé, à ce qu'on l'envoie dans tout le triangle national. On l'envoie à Ngoulmoudouka. Il dit qu'il va aller à Ngoulmoudouka. Il part maintenant passer beaucoup pour négocier pour qu'on le quitte de Ngoulmoudouka, pour l'envoyer en centre. Ou au port autonome de Douala, parce que là-bas il y a le trafic. C'est le trafic. Il ne dit pas qu'il vient là pour le travail. Il dit parce qu'il y a du jus là-bas. Donc la pensée de la corruption est pleine dans le sang. Tous les professeurs, on en fait un professeur au nord du pays, ils ne descendent pas ici. Après, c'est toujours eux qui filment encore les élèves comme ça, qu'il n'y a pas de professeurs. Chaque jour, chaque année, il y a un recrutement de professeurs. On envoie le professeur là-bas, chacun attend. Chacun attend, un professeur entre à l'école, il finit, il fait la formation, l'école normale, le gouvernement le forme. Lui donne dans le, vous appelez le rappel. Après 5 ans, oui, 2 ans que ça sort, il donne le rappel. Il utilise ça pour prendre son avion, il part lui, pas avoir son service ailleurs. Donc maintenant, l'école normale est devenue un raccourci maintenant pour aller à l'étranger. C'est devenu un raccourci maintenant quand on finit le maintenant. Alors que quelqu'un qui est normal va servir son pays. Quand il est parti, il dépose sa démission, il part ailleurs. Vous savez, c'est une histoire. Quand il va croire qu'il va arriver, il va revenir demander pardon à l'État. Si l'État accepte, oui, l'État dit que tu pars en prison pour 25 ans, selon le code du travail, tu y vas. Où est-ce qu'on se retrouve? C'est pour ça que le chrétien ne doit pas suivre le train du monde. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas suivre le train du monde. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas suivre le train du monde. Allons ici, suivons le Seigneur Jésus avec son invité. Voyant cela, verset 7, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, il se tenait où? Devant le Seigneur. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est terrible, frère, c'est terrible comme déclaration. Donc s'il avait 1 milliard, directement, combien sort? 500 millions. Il vient de déclarer sa bouche que je donne à. Souvenez-vous, c'est au Dieu Tout-Puissant qu'il a de parler face à face. Il dit que voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Qu'est-ce qui est en train de lui arriver? Tout à l'heure, on va voir cela dans le livre de Luc, chapitre 3 que j'ai donné là. Alors, il dit je, voici, donc il ne s'arrête pas là. Regardez. Il dit et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le. Vous avez vu ça, frère? Quand le Seigneur Jésus a fait place dans sa vie, il a compris la nécessité de se séparer de la fraude, de partager et de restituer les objets pour la fraude. Souvenez-vous, on a dit qu'au verset 1, verset 2, il dit, et voici un homme riche, un, appelé Zachée, chef de quoi? Chef des publicains. Regardez son poste. Chef des publicains. Donc, appelez ça comme vous voulez aujourd'hui. Trésorier, payeur, général. Appelez-le. Donc, on a dit le trésorier payé général du Mungo. On dit que son père est riche. Hein? Son salaire, c'est quoi? Où est la grille salariale? On dit que maximum du fonctionnaire, la balance en catégorie, c'est 800 000. Mais il a une 4 villas. Combien? 200 milliards. Il dit que comment il l'a fait avec 200 000 pour 20 millions de maisons de villas de 200 milliards. Des choses qui se passent, des sous, des bas choses. Est-ce que c'est normal, frère? Donc, il y a le poste juteux pour les chrétiens, le poste juteux, le contentement. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. D'après cette définition qu'on a donné d'aller là, on ne sait pas combien d'années il a fait la fonction de ce poste-là. Il a dit, s'il a fait quelque chose pour quelqu'un, il va vendre ça 4 fois. Donc, s'il avait 1 milliard par exemple, il donne d'abord la moitié de son bien au pauvre. Il lui reste 500 millions. Chaque personne à qui il devait, il va multiplier par 4. Donc, il se pourrait donc qu'il finisse rembourser, même les 500 autres millions finissent. Et il doit maintenant que les gens qui veulent te rembourser. Finalement, il devient même pauvre. Donc, les riches qu'il était, il pouvait devenir pauvre en restituant. Donc, c'est ton devoir de payer pour tout ce que tu as obtenu frauduleusement. Et restituer jusqu'au dernier centime pour que tu sois en règle avec le Seigneur. Ceux qui sont à l'étranger, par exemple, qui ont vécu dans la fraude, qui ont eu le faux papier, ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller confesser cela. Si on te rapatrie, tu viens dans ta terre natale. C'est pas ça? Il y a des gens même qui vivent avec leur. Il y a des femmes qui m'étonnent seulement dehors. D'autres femmes qui disent, si il fait comme ça là, bon, laissons les femmes tranquilles. Elles vont croire que j'exagère avec elles. Maintenant, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, dans la définition que le Seigneur a de faire, voici un fils d'Abraham, un fils de la foi, qui ne devait pas vivre ce style de vie-ci, dont le type a été perverti. Il est venu, quand le salut est entré, regardez très bien, il a fait les œuvres d'Abraham, la restitution, pour être en règle avec le Seigneur. C'est pour ça que quand le Seigneur a appelé Abraham, il a dit à Abraham que, marche devant moi, sois intègre. Sois intègre. Il dit, marche devant moi, sois intègre. Amen. Luc chapitre 3, j'ai dit ça aujourd'hui, je crois que c'est l'histoire de ces publicains avec les militaires qui vont venir. Regardez. Notez Somme 69, verset 5. Somme 69, verset 5. Job chapitre 20 aussi. Je ne sais pas si vous avez donné. Il y a tellement de versets que j'en ai donné depuis celle lequel je vais. Je vous ai donné Romains chapitre 8, chapitre 13, n'est-ce pas? Nous avons noté le verset 8, donc le verset 7 et 8. Bon, Luc chapitre 3, verset 12 à 14 dit ceci. Ils vont, ça c'est le ministère de Jean-Baptiste, d'accord? Ça c'est le ministère de Jean-Baptiste. Il allait prêcher au bord de la Tibériade de Galilée, ainsi de suite. Les gens viennent lui poser des questions. Verset 12 à 14. Verset 12 dit, ils viennent aussi des publicains. Vous avez vu le mot encore? Là où nous venons de sortir là, Zachée était le chef de quoi? Des publicains. Ils viennent aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est quand même terrible, frère. Vous voyez pourquoi le garçon de Nicodème, comment il s'appelle, Zachée, était troublé, n'est-ce pas? Il fallait qu'il restitue. Parce que c'est le chef des publicains. Donc, si vous voulez prendre, il y a le trésorier payé général de toute la ville des Douala, de tout le littoral. Donc, de toute la région du littoral. Il y a maintenant dans chaque trésorerie les gens. Quand, celui qui est là, on dit qu'il est le chef, donc celui qui quoi fait. Mais les publicains viennent, ils demandent au prophète que qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Il dit que ce que Dieu attend de vous, c'est que n'exigez pas au-delà de ce que vous êtes exigé. Si vous allez, quelqu'un même payer son impôt, vous dites, tu vends tel appareil, l'impôt, on calcule, c'est comme ça, c'est 25 000. Demande-lui 25 000. Il commence par dire que je peux faire. On coupe ici, tu dois au à l'État 200 millions. Je peux faire. Ça fait 10 millions seulement que tu payes à l'État. Le reste, on se partage. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que les collecteurs d'impôts sont les plus riches. Ils font comme ça, perdre à l'État au profit d'eux. Vous voyez comment il y a le moment de redressement fiscal où les entreprises étatiques en souffrent, l'État souffre. C'est vrai que, vous savez, à tous les niveaux, c'est asphyxié. Il faut seulement que le Seigneur vienne mettre de l'ordre. À tout niveau, c'est asphyxié. Vous nommez quelqu'un là-bas qui est bien, qui voudra faire ce qui est bien. Au-dessus de lui, on va mettre des traits comme ça, les bananes pour les bananes pour qu'ils sautent. Parce qu'il y a des réseaux qui sont faits. Donc, faut balayer du plus grand au plus petit pour les enlever là-bas. Enlever donc mettre qui? Quand le chrétien, quelqu'un vient d'avoir, il a un faux H, un faux diplôme, il est entré par faute. Lui, il va aller faire quoi? Dis à ton voisin, restitue d'abord. Alors, comprenant ces choses aussi, il y a les techniciens. L'un des grands, les personnes les plus malhonnêtes sont les techniciens. Les techniciens de la télévision, par exemple, ceux qui dépendent de la télévision, de la radio, de portable. Vous amenez avec l'écran de télévision chez un technicien. C'est un fil qui est débranché à l'intérieur. Il sait que si vous dites que c'est le fil qui est débranché, vous dites, oh, merci beaucoup. Vous pouvez partir sans lui rien lui donner. Il regarde le fil là-bas, il commence à toucher tel appareil. Il fait. Voilà, il dit, mon frère, il faut que le gars s'adresse, j'ai beaucoup de travail. Tu pars, tu rentres, 3 jours, il te tourne. Après, il dit qu'il allait au camp, il y a passé. La pièce coûte 12 000. Tu viens, il dit que reviens prendre ça demain, après, branche le courant, il te donne. Qui fait comme ça une fois, deux fois, trois fois, il va restituer. J'avais dit ça à quelqu'un, il dit que mon frère, je ne sais pas, vous ne dois pas avoir le travail. Travail, c'est que tu as à travailler. Jean-Baptiste, le prophète, dit à ceux-ci que n'exigez à quelqu'un que ce qui vous est demandé. Donc, si quelqu'un veut payer son impôt, s'il est de ton devoir de recevoir l'argent de l'État, il est de ton devoir de verser cela dans la trésorerie de l'État. Si c'est ses frères, et attendre quoi en retour? Ta paie, ton salaire. C'est comme ça. Donc, comment tracasser les gens? Vous voyez maintenant, quelqu'un, on dit l'impôt libératoire, c'est 25 000. Un chrétien ouvre sa boutique. Il dit qu'il ne paie pas l'impôt libératoire. Les gens de la mairie viennent une fois. Il dit que c'est combien? Il négocie à 5 000. S'il vient 5 fois, ça fait combien? Le prix de l'impôt libératoire, c'est combien? Pourquoi on n'est pas réglé? Parce qu'on est le sang de corruption. Pourquoi on n'est pas réglé? Je paye les 25 000, il travaille quoi? Ce n'est pas qu'il ne travaille pas. C'est que l'État a dit, l'autorité a dit que si tu ouvres ça, tu vas payer 25. Si tu ne veux pas payer, n'ouvre pas. Il ne viendrait pas te déranger. Vous savez, c'est ça, frère. Donc, l'esprit de fraude, de cupidité, de ces choses-là doivent nous quitter. Alors, sur cette base-ci, là, maintenant, supposons que vous allez rencontrer quelqu'un qui vit dans la fraude et que vous-même vous devez. Vous avez le droit de lui demander de vérifier la fraude. Dis à ton voisin, donc, ôte la poutre dans ton œil. Tu verras la paille dans l'œil de ton frère. Les femmes vendent la nourriture. Regardez, suivez ceux qui font le beignet. Elles font le beignet, le haricot d'or. Demain, elles mélangent avec l'haricot. D'autres font le beignet, après quand c'est d'or, elles mettent ça au-dessus. Elles font comme ça, elles crachent. Quand tu dis que c'est moi le beignet, par exemple, tu dis, elles prennent le beignet d'hier et demain, pour que ça se dégage rapidement. Là, ton voisin, c'est la fraude. On avance ici, regardez bien, verset 12 encore. Il vient aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Ils ont posé la question, que devons-nous faire? Donc, ça suppose que la réponse qui va venir, ils sont censés suivre cela. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Tu travailles à un poste. Celui qui a le responsable, le cahier des charges dit que si quelqu'un vient ici, il paye 25, il passe, demander 25. Ok, va le péage qui a été installé dans les routes. Vous voyez, les gens passent, ils mettent la voiture, ils donnent au péage. Au lieu de donner 500 pour qu'on donne le ticket, ils donnent 300. La personne prend le 300, met la poche, ils ne coupent pas de ticket. Ni vu, ni connu. Alors, frère, on a des problèmes ici sur la terre. C'est-à-dire que j'arrive au péage. Chaque péage que je dois traverser, avec le véhicule, doit payer 500. Ces personnes, on va me donner le ticket du péage. Pas vrai? Que lorsqu'il coupe, le nombre d'argent qui va venir donner à l'État, c'est le nombre de tickets. Alors, il te donne, tu te mènes 300 entre ses mains. Il prend les 300, il met dans sa poche. Il ne coupe pas de tickets. Tu passes. Frère, qu'est-ce que celui qui a de faire au péage? C'est un honnête citoyen. Vous me suivez? Maintenant, toi qui es en train de voyager, tu n'es pas en sécurité. Parce que quelque chose t'arrive, tu dis à quelqu'un qui est à Yaoundé. On dit, ok, monte le ticket des péages. Tu vas faire comment pour trouver le ticket? À cause de 300. Que tu as fait là-bas, regardez ce qui arrive. Parce qu'il peut y avoir des situations où on dit que prouve que tu étais à Yaoundé. Tu vas commencer à faire comment avec le ticket? Je suis allé avec le véhicule, ok, tu as Yaoundé, il y a trois péages des doigts à Yaoundé. Montre les trois tickets. J'ai jeté ça au champ. Tu as jeté au champ. C'est écrit clairement là-bas, à la droite, là-bas, que les tickets peuvent être exigés à tout contrôle. C'est pas ça? Donc, il faut qu'on arrête la fraude. Il faut qu'on arrête la duplicité et on restitue les choses que nous avons acquises malhonnêtement. Faites n'importe quoi. Faites ça droit avec le Seigneur et le Seigneur sera avec vous. Ne pensez pas que vous faites n'importe quoi malhonnêtement. À un moment donné, Dieu va bénir. Non, Dieu ne bénit pas ce qui sait à quoi il n'a pas commencé. Faites ça droit avec le Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Ça va être, c'est pour ça que si vous voulez faire cette heure-ci, vous voulez faire n'importe quoi. J'ai porté un officier de police dans ma voiture un de ces jours. Il me posait des questions. Il lui a dit que, officier, si je suis quelque part dans un bureau, quelqu'un vient avec un dossier. S'il manque A, il dit 800 000. Il va faire qu'il mette A là avant d'avancer. Il s'est tourné vraiment. Il dit que si tu fais comme ça, on t'envoie au port là-bas, on va te tuer là-bas. Il dit pourquoi? Il dit que là-bas, parce que si quelqu'un a son dossier d'un milliard, il sait que tu le déranges, il risque de te tuer. À cause de cela. Mais pourtant, tu as fait ton travail. Il dit que c'est pour cela donc que Dieu m'a permis qu'il fasse ces choses-ci. Parce que s'il fait ces choses-ci, c'est qu'on va redresser, on va mettre les gens au pas. Voilà le frère Jimmy, par exemple, il conduit le taxi. Mais touchons le taxi, là-bas. Il conduit le taxi. Le policier l'arrête. Normalement, quand le policier l'arrête, il y a des contraventions. Il est censé lui donner un papier. Il va verser à l'État, puis reprendre ce dossier. Il dit que, ouais, officier, on fait comment? Demandez au frère Jimmy qu'on fait comment. On négocie comment. Très souvent, c'est moi qui l'appelle. Hein. Il appelle me mettre devant. Vous avez appelé l'appel, dit que comment va la famille? C'est où il va en venir. Puis s'il a de conduire le taxi, il n'aurait pas le temps de m'appeler. S'il m'appelle comme ça, c'est qu'il n'est pas en train de conduire le taxi. Pas vrai, il ne faut pas attendre. Deuxième problème. Il finit maintenant, après il dit que il y a le type. On a l'officier, il dit c'est quel commissariat, il dit c'est comme ça. Il dit va voir l'officier qui a été là-bas. Tu dis que c'est moi qui t'envoie. Il va voir. Quand tu es allé le voir, il faut comment? Il dit que d'abord, mais fais le transfert là-bas. Après le transfert. Alléluia. Après il dit c'est quel officier qui a pris ton dossier. Vous voyez comment ça se passe ici? Vous dites, causez cela avec les chauffeurs, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire que si tu commences à faire comme ça, tu vas perdre le temps, tu ne vas pas travailler. Il faut au moins que quelqu'un prenne le temps de perdre le temps pour que les choses se mettent en route. Parce que tant que le policier va faire, que le taxman va toujours faire comme ça, là, ils vont continuer dans la corruption. Il faut que quelqu'un s'arrête pour faire ce qu'il doit être fait. Vous cessez ça, hein? Voilà. Observez, vous allez voir souvent des policiers viennent se cacher. Il y a des endroits dans la route, les gens ne connaissent pas la règle de la circulation. Ils viennent se tenir en route. Là où ils doivent se tenir, la voiture ne doit pas s'arrêter. C'est là où les passagers viennent s'amasser en grand nombre. C'est interdit là-bas, clairement interdit stationné. Ils se réunissent là-bas, le policier passe se cacher aussi dans la foule. On lui dit à la foule qu'on n'attend pas le taxi ici, avancer là-bas. Il attend là-bas. Tu veux garder, tu veux lui mettre dans le taxi comme dossier. Dossier. Pourquoi il cherche que tu fasses des erreurs? Tout le monde fait l'erreur. Le taxman aussi dit que non. J'ai dit, pourquoi tu t'arrêtes ici, sachant que ici c'est écrit. Il dit que les clients sont là-bas. Il dit que quelqu'un te stoppe, ne t'arrête pas. Avance, toi, dis avancez-vous. Si tu dis avancer chaque fois, il dit si elle fait comme ça, les gens vont prendre derrière. Les deux choses, l'une, tu peux payer les 25 000 là-bas, ou tu prends 100 francs. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose qui est en règle. Donc, si le frère Jimmy est grave encore, on le répète, parce que vous savez, il a écrit les versets bibliques sur son taxi, et les policiers aiment ça. Quand tu viens comme ça, il dit que je suis comme le frère Jeannot qui conduisait le taxi. Un policier a attrapé un jour à nos côtés. Le policier dit Et il dit devant le policier, il dit que, pardon, officier, on fait comment? Il dit, donc, 4, tu as combien? Donne-moi 4 000. Après, il commence à chanter, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. C'est le policier qui chantait, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Le frère Jeannot a vu comme il chantait les chanteurs chrétiens, il croyait qu'il devait être favorable. Il a dit que, officier, moi, je suis chrétien, il dit, moi, parce que je suis chrétien, il demande seulement 4 000. Il dit, parce que tu es chrétien, c'est pour ça qu'il demande seulement 4 000. Que lui-même, il est chrétien, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, pour montrer qu'il est. Il est chrétien. Vous voyez le style de chrétienté qu'on a aujourd'hui. Il dit c'est parce que tu es chrétien. Parce que tu es, il dit c'est parce que je suis chrétien. Hein, c'est ça qu'il te prend seulement 4 000. Il faut qu'on fasse la différence. Votre lieu de service, partout où vous passez, faites la différence pour honorer le Seigneur. C'est ce que la Bible nous recommande. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Dieu. Donc, souviens-toi que chaque fois que tu vas frauder maintenant en tant que chrétien, tu dis je fraude au nom de Dieu. Quand tu veux voler, tu dis, je vole au nom de Dieu, et voyez ce qui va vous suivre. Verset 14. Des soldats. Vous avez suivi ça, hein? Personne n'est libre dans la Bible, sinon. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Frère, y a-t-il besoin de parabole ici, là? N'est-ce pas clair? Donc, si tu es policier, soldat, ce sont les hommes infinis. Tu dois te contenter de ta solde. Mais eux, ils ont vu ce verset, ils ont dit que non. La chèvre broute où elle a caché. C'est ce que les policiers disent. Tu le nommes au bureau, il ne veut pas rester au bureau. Il dit que puis envoie-moi la circulation. Il dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Il cherche les gens qui vont faire la fraude. Et il passe là, il y a les embouteillages, il ne circule pas. Il attend que tu fasses la fraude. Quand tu fasses, il commet une petite erreur, il vient, il prend le dossier. Est-ce que nous sommes prêts à vivre la vie du Seigneur? Psaume 101. Psaume 101. Dans Saint Isaïe chapitre 53, que je vous ai donné le verset 9, vous lisez cela, vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Mamie, que le Seigneur Jésus te fasse voir la différence, d'accord? Que le Seigneur Jésus te fasse voir la différence. Laissez penser les de traverser là avec les choses. Psaume 101, verset. Verset 7, je vous ai donné ce que vous avez noté. Verset 5 à 7, mais je vais lire le verset 7 rapidement. Regardez. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il n'y a pas de parabole, pas vrai? Il n'y a pas de parabole. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. C'est la parole du Seigneur. Vous avez vu cela? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, frère? Ok. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Je vous ai donné également le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 5. Mais comment finir, on va y aller. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 4 à 12. Je vais lire. Si vous y êtes, aidez quelqu'un à trouver pour qu'on y arrive. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3, il dit. Ce que Dieu veut, vous avez vu cela, hein? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et suivant. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On parle là d'une nettoyage dont nous sommes parlé depuis, n'est-ce pas? C'est que chacun de vous, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires. Mais les chrétiens, quand ils font les affaires aujourd'hui, business is business. Que je mets la casquette de Dieu là, écoutez, ici, ce n'est pas chrétien. Dieu n'a rien à voir avec notre business. C'est pas comme ça. Dieu plonge ses regards. En fait, tout ce que tu dois faire avec Dieu. En tant que chrétien. Il n'y a pas un moment donné où tu es au service de Dieu. Et notre monde, tu n'es pas au service pour Dieu. Souvenez-vous, vous êtes chrétien, même nous, votre sommet c'est christianisé. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous y êtes? De cupidité dans les affaires. Notez Deutéronome chapitre 25, versets 15 et 16. On lit ici, ça entraîne, on lit, ça entraîne. Deutéronome chapitre 25, verset 13 à 16. Donc, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Après, il dit, parce que le Seigneur tire vengeance de tout. Nous sommes là, souvenez-vous attentivement. C'est le Nouveau Testament ici, c'est la prescription à l'église ici, n'est-ce pas? Parce que depuis qu'il est tourné, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure qu'il ne veut pas encore entrer dans le Nouveau Testament. Il est temps de voir, pour vous voyez le principe derrière la base dans l'Ancien Testament. Maintenant, ça, c'est l'apôtre Paul qui en a décrit à l'église. Il dit qu'il y a la sanctification. Il y a aussi maintenant la sanctification dans le relationnel, dans le business. Donc, il faut que le business soit sanctifié, soit droit. Il dit que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Puis il dit, parce que le Seigneur tire, c'est ce qui est le verset, je continue en disant, parce que le Seigneur tire vengeance. Vous entendez ce qu'il dit? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 8 dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Vous avez vu ça, frère? Donc si quelqu'un refuse en disant que non, je suis chrétien dans mon business, il n'est pas gros, business c'est business, il me frappe, je le frappe. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Proverbe chapitre 6, verset 30 et 31, je vous ai donné ça aujourd'hui. Vous avez donné ça, n'est-ce pas? Le verset 30 et 31 des Proverbes. Lis ça, mon cher. C'est le verset 31 qui m'intéresse de ces proverbes-là. Proverbe chapitre 6, verset 31. Si on le trouve, il fera une restitution. Il lit le verset 30 d'abord. C'est le 31 qui m'intéresse, mais il fait à partir du verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Vous avez entendu ça? Donc tu dis que non, c'est parce qu'il y avait faim que j'ai pris ça. La Bible dit quand on te prend, tu remets ça sept fois. Alors maintenant, si tu avais faim et que tu n'avais pas en ta possession, on t'arrête, main dans le sac, on dit tu vas remettre ça sept fois. Si tu n'avais pas déjà, comment tu vas faire pour remettre ça sept fois? On fait comment, frère? On prend tout ce qui est dans ta maison. Si tu n'as pas de maison, on fait comment? Tu demandes pardon, hein? La personne dit qu'il ne veut pas entendre comme ça. Donc arrangeons-nous dans les prières. Sondez nos vies. C'est une question, ce que j'en ai enseigné ici, c'est une question d'individualité. Chacun a vécu dans son coin. Vous avez côtoyé vos camarades de classe, côtoyé vos voisins, côtoyé les cochambiers, ainsi de suite. Vous avez eu des choses, vous avez pris des choses. Quelqu'un a mis son argent, vous avez pris. Quelqu'un a fait ceci, vous avez pris des choses. Voler les habits, voler les chaussures, restituer. Restituer. Restituer. D'accord? Je vous ai encore donné un autre passage. J'ai cité Romains chapitre 13, verset 7, n'est-ce pas? C'est ça, frère? Je vous ai donné Psaume chapitre 69, le verset 1 à 5, n'est-ce pas? Prenons cela, le verset 5 qui est intéressant là-bas. Ce psaume-là. Psaume. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous allez l'écouter. Psaume chapitre 69, il trouve là le verset 5. Verset 1, je vais te demander de noter le verset 5, mais il veut aller le verset 1 à verset 5. Il veut lire à partir du verset 5 directement. Notez également Proverbe chapitre 12, verset 5 et 6. Vous allez noter ça, hein. Psaume 69, le verset 1 à 5, il dit sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent ma perte, qui sont à tort mes ennemis. Soulignez maintenant, chers amis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Soulignez. Ceux qui sont dehors, vous allez les suivre là. Donc, il vous a dit, c'est le verset 1 au verset 5, mais il vous a dit, c'est le verset 5 qui est intéressant. Donc, la partie C du verset 5. Il dit, le psalmi dit, on a de la puissance, on a de l'accablé. Il dit, ce qu'il n'a pas dérobé, il faut qu'il le restitue. Donc, si tu dérobes, tu dois restituer. C'est ce qu'il a dit. Si tu dérobes, tu vas restituer. Je vais vous donner le psaume 15, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans le psaume, allons-y dans le psaume 15 là. On va rentrer dans le Nouveau Testament. Notez Sophonie. Je sais que c'est beaucoup là, n'est-ce pas, frère? Sophonie, chapitre 1, le verset 9. Sophonie, dans le verset 1 jusqu'au verset 9. Le verset 9 est intéressant. Psaume chapitre. Je vous ai donné aujourd'hui Job chapitre 31. Oui. Verset 1 à 5, c'est ça? Je vous ai donné Job chapitre 20, n'est-ce pas? Ok. Donc, Psaume chapitre 15. Qu'est-ce que ça dit? Regardez. Ô Éternel, qui séjournerait dans ta tente? Souvenez-vous de Psaume 101 que nous avons lu aujourd'hui, verset 7. Il a dit clairement que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans sa maison. Vous avez moi? Il dit celui qui se livre à la fraude. Dans ce Psaume 101 que nous avons lu, verset 7, il a dit que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans sa maison. Ici, au Psaume 15, il pose la question, qui habitera dans ta tente? C'est une question qui est posée. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Je ne sais pas si... Prenez c'est quoi la montagne sainte du Seigneur, d'accord? La montagne. De façon parabolique, qu'est-ce que ça symbolise dans la Bible? Faites des recherches là-dessus. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Puis il répond. La question est répondue au verset 2. Celui qui marche. Voici la réponse de la question qu'on a posée en haut. On dit qui demeurera sur ta montagne sainte? Puis il dit. Celui qui marche dans l'intégrité. Vous avez vu cela? Qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous y êtes? Oh. La dernière fois, j'ai dit, vous avez donné le psaume, les psaumes qu'on a lu. On a lu, il y a deux psaumes particulièrement, ou bien trois. Le psaume 34 qu'on n'a pas lu, le psaume 50 et 51, n'est-ce pas? Il dit qu'on devait lire cela aujourd'hui parce que j'étais en train de regarder quelque chose et puis quelque chose y est arrivé là-bas. Donc on va aller là-bas lorsqu'on va quitter ici. Regardez, celui qui marche dans l'intégrité, qui, verset 2, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il l'honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son agent. Les chrétiens qui vendent l'argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Pardon, donc, les pratiques, ce que tu fais, c'est que la montagne sainte, ce n'est pas pour toi. Vous avez suivi, frère? Marchons dans la droiture, dans l'intégrité. C'est pour ça que dans ce livre des psaumes, dans ce livre de Job, chapitre 31, lorsque Job a commencé à faire son épilogue en expliquant la façon dont il vivait, je crois qu'il faut lire, puisque nous sommes dans le psaume. Alors dans Job 31, rapidement. Job, c'est toujours avant les psaumes. 31. Même son nom, Job veut dire ce qu'il est. Job, ça veut dire persécuté. Job. Donc vous voyez, effectivement, même le nom du personnage, c'est là. Job, chapitre 31. Regardez, je vais rapidement le verset 5. C'est Job qui a dit de parler pour se dissoudre devant ses ennemis, devant ses amis. Je vais lire le verset 1, mais c'est le verset 5 où il va chuter. J'avais fait un pacte. Le livre de Job est tout avant le livre de son que nous disions tout à l'heure. Si vous avez l'ordre classique, si vous avez la BJC, vous allez vous débrouiller. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part. Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage? Le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Verset 5, écoutez attentivement. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu pèse dans les balances justes, il reconnaîtra mon... l'intégrité. Effectivement, quand Dieu a éprouvé Satan, il lui a dit que voilà un homme, comme Job, il n'y a personne sur la terre comme lui, intègre et juste et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Quatre choses qui sont dites de lui, qui sont les piliers même de la foi. Il dit que Dieu connaît son intégrité, parce que son pied n'est jamais allé vers la fraude. D'accord, frère? Alors, chapitre 20 de ce même livre aussi. Chapitre 20. Dans ce chapitre 20, notez le verset 1 à 10. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Puis vous sautez, vous allez au verset 18. Le verset 18 également nous intéresse. Que Dieu vous bénisse. Job chapitre. Je vais aller rapidement au verset 10. Regardez le verset 10. Non, lisons à partir du verset 1 pour vous, c'est ce qui arrive. Ça, c'est le discours de Tsophar à Job. Tsophar de Narma prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vivre comme les méchants, là, vivez. Sachez que c'est une joie éphémère qui va passer. Mais on a une chose qui est éternelle, dont il n'y a pas de mesure. Continuons ici. Quand il se lèverait, verset 6, quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, donc même si vous craignez pas comment, vous êtes approché sur la terre n'importe comment. Si ce que vous avez obtenu là, c'est par la méchanceté, vous êtes dans le camp des méchants, oubliez. C'est seulement du vent. Il dit, verset 7, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Pas vrai? Ah mon Dieu. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qui l'habitait ne l'apercevra plus. Verset 10 maintenant. C'est pour ça que c'était important qu'on voit. Parce que tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui a grandi dans la fraude, a pris le terrain de quelqu'un à qui on a donné, n'est-ce pas? Mais écoutez, verset 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres. Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Vous avez vu cela? Donc, concentrez sur la fraude, observez. Vous ne payez pas, vous mourrez. Vous allez payer devant Dieu. Vos fils vont restituer. C'est ce qui est écrit. Vous n'observez pas n'importe quoi avec la fraude. Allons au verset 18. Là. Je crois que je vous ai dit le verset 18. Prenez le temps souvent de lire. C'est Job chapitre 20. Là. Verset 18 dit quelque chose. Regardez. Verset 18. Il dit, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a appris et n'en jouira plus. Soulignez. Donc, tu peux faire ton business. Il y a des gens qui font des conteneurs. Vous voyez les riches, il y a un marché, le plus grand des marchés de Bazafi Centenaire, le marché Mbopi. Ils font des conteneurs. On dit par exemple que la loi exonère sur l'alcool. Vous payez l'alcool pour faire le truc qu'on vend à la pharmacie. Comme l'alcool, c'est l'alcool, il fait importer le whisky, mais il met alcool. Donc, dans le conteneur, c'est écrit alcool, mais c'est le whisky. Par conséquent, il ne paye aucune taxe là-dessus. Il achète donc à 20 000, il vend à 60 000 une bouteille. 4 conteneurs comme ça devient milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé l'impôt. Il a fait quoi? Une fausse déclaration. Et c'est comme ça qu'ils sont riches. Quand ils finissent maintenant, ils voient que quelqu'un s'est présenté devant eux et dit que non, il y a la réunion des hommes riches ici. Il est obligé d'entrer parce que par définition, il faut qu'il protège son argent parce que son argent a été gardé pour frauduleusement. Il faut qu'il protège ça. Or, celui à qui Dieu donne, celui qui protège. Il dit, bien, si c'est Dieu qui te donne, Dieu protège. C'est pour ça que celui à qui Dieu a donné, il n'a pas besoin de protéger parce qu'il sait que celui qui a donné, il peut l'enlever comme il veut. S'il veut que ça soit enlevé, ça sera enlevé. Et personne ne peut enlever. C'est parce que c'est comme ça qu'on le taxe là. Les gens sont dans le football, ils passent signer des pactes avec le diable. Ils ont des milliards. Ils sont ici. Ils construisent des stades. Leur nom, c'est partout ici. Ils arrivent à un moment donné, on dit, non, il faut entrer dans les loges. Il faut pour protéger ton milliard. On veut protéger le milliard contre qui, frère? Tu protèges ton argent contre qui? Tu as l'argent, il faut te protéger, il faut te blinder, sinon on ne va pas te tuer. L'autre fou, encore, son maman est mort au Nigeria, il a acheté le Hume pour enterrer sa mère. Pour dire qu'il a bien enterré sa mère. Un Hume, plus de 50 millions, il a creusé, comme ça, les gens étaient à côté. Et il fait comme ça, mais désormais, il met maintenant les gars du coup à côté. Voilà les gens qui souffrent à côté de la tombe. Il a mis sa maman dans le houme, on a creusé le tombeau qu'avait le caterpillar. Creusé. On a fini, on a conduit le houme comme ça, entré dans le tombeau. On a porté la terre, versé ça. Après, il tourne, il regarde, j'ai dit, j'ai enterré ma mère ici dehors. Regardez ce qu'on arrive. Pourquoi? L'argent les a rendus fous. Dieu dit que s'ils font comme ça, il n'y a pas de problème. Quand ses enfants vont mourir. Regardez la famille des. Vous appelez un de ces riches de ce pays, c'est parti. Regardez l'histoire, la généalogie de cette famille. Regardez comment cette famille est maintenant. Oui, la famille s'opposent. Observez ce qui arrive. Comme la Bible dit, quand il va disparaître, il sera comme un songe. Mais voilà ces enfants qui souffrent maintenant. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Observez Mobutu. Si tu vas au Congo aujourd'hui, Congo RDC, tu dis que tu es enfant de Mobutu. On dit Mobutu quoi? Après, je vais te comprendre que tu ne veux pas répéter cela. Quelqu'un meurt, il a 2000 milliards stockés quelque part. 2000 milliards. On évalue, on dit que s'il gaspille 200 000 francs par jour, il va faire 200 ans, l'argent n'est pas fini. Il 200 000 francs par jour, où il gaspille comme ça. Donc, il sort le matin, il prend 200 000, il jette ça en route. Il rentre. Le matin, demain, il jette 200 000, il va faire 200 ans, ça ne finira pas l'argent là. Mais les gens sont en train de souffrir. C'est pas du satanisme ça? Je pose la question. Il est mort, il est passé avec 5 francs. Pourquoi donc ça ne donne pas de leçon à d'autres qui sont encore là? Ses enfants sont partout. En 2000, combien, quand il était là-bas, j'avais vu un de ses enfants à l'université Yaoundé. Il était comme ça, il commandait les choses. Un de ses enfants. C'est le fils de Mobutu, fils du président. Quand vous êtes au pouvoir, on met, chacun aimerait que je veux porter le nom de Paul Biya. Attendez, que Paul Biya n'est pas éternel. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ est éternel. Donc, que je meurs, que je ne meurs pas maintenant, je suis chrétien. Son nom est invoqué sur moi. Et lui n'a jamais fait de fraude, frère. Personne ne viendra lui dire qu'il doit quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est lui, en réalité, qui rend à chacun selon son œuvre. Que je vais être le fils du président. Le jour qu'il meurt, tu cherches comment tu vas faire pour changer le nom là sur toi, tu vas voir. Pourquoi? Parce que tout le mal qu'il va faire maintenant, chacun va se retourner vers toi. On va dire que tu es l'enfant de qui? Même si tu es sort de ce village-là, que des preuves de loin, il y a Biya sur ton nom. On dit que ton parent connaissait Paul Biya. Il dit non. Tu dis non, je n'étais pas parmi eux. Mais pourtant, dès son vivant, tu aimerais qu'on te dise bien, tu es fils du président. Tu dis oui, ce fils du président. Attends qu'il meurt. Ne coopérons pas avec la fraude. Ne vivons pas dans la fraude et ne regardons pas que les gens par motif d'intérêt. N'imitons pas le méchant, dit la Bible. D'accord, mes frères? Vous êtes d'accord avec moi? 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que ça vous fatigue. Mais vous avez quand même lu l'autre tout à l'heure, non? Vous avez vu le don, vous devez être fortifié. Vous êtes prêts donc à vous séparer, comme on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Vous êtes prêts donc à étudier vos vies pour restituer ce qui doit être restitué. Faites-le. Vous avez acquis des choses de malhonnête. Sortez ça de chez vous. Vous devez des gens à qui vous devez remettre des choses. Allez les remettre. Si vous n'avez pas de quoi remettre, appelez les personnes, dites que je me souviens que je te dois telle chose. Pardonne-moi, je vais remettre ta chose. D'accord? Quitte à la personne de dire que, ok, laisse. Si la personne dit que, ok, laisse, que tu es qui devant Dieu. Ne dis pas que je vais te donner ta chose. Après, tu dis, hey, tu ne me dis pas qu'il laisse. Ne dis pas ça. Laisse que ça vienne de l'intention de la personne. Que toi-même, tu ne peux même me laisser ça. Si tu dis qu'il te laisse, alors ce n'est pas ça. Laisse la personne venir. S'il dit 50 000, tu me dois 50 000, faites l'effort, remettez les 50 000. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir devant le Seigneur avec ça. Un essai, juste Satan va vous ténérer pour cela. Aujourd'hui, je vous ai donné Deutéronome 25, versets 15 et 16, c'est ça? Vous avez noté ça? Vous avez noté le psaume 10, verset 7? Vous avez noté ça? Maintenant, il dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 9. Noté. Allons dans le psaume, puisque nous sommes dans le livre de Job, là. C'est merveilleux, c'est beaucoup, là. Psaume 10, verset... On va prendre à partir du verset 4 pour que vous soyez ce qu'il y a. Ce qui arrive là. Donc, le verset du psaume 10, verset 7. Donc, je vais prendre le verset 4 pour descendre. Le méchant dit avec arrogance. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Vous y êtes. Ses voies réussissent en tout temps. Vous voyez ce que la Bible dit, non? C'est pour ça que vous allez regarder le monde. Ceux qui pratiquent le bien souffrent. Vous allez poser la question, comment je suis dans l'iniquité? Et eux-mêmes viennent encore vous se moquer de vous. Depuis que tu es en Christ, là, qu'est-ce qui a changé? Tu es toujours pauvre. Tu es devenu pauvre. Tu es rendu, tu dis, ouais, Seigneur, tu as vraiment insulté. Lazare est mon pauvre ou il n'est pas mon pauvre? Quand il est mon pauvre, il s'est retrouvé où? Donc, tu peux être pauvre. Il n'est nulle part dit ici que si quelqu'un est en Christ, la pauvreté part. Parce que la Bible déclare, il se trouve dans la Bible, que le pauvre est celui qui est riche, celui qui a fait l'un et l'autre. Et il m'a insulté, Seigneur, fais-moi voir ta gloire pour qu'il voit ta gloire dans ma vie. Donc quand il te transforme des riches à pauvres, des pauvres en riches, c'est la gloire là-bas. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Quand il dit tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il veut dire par là que le méchant ne parvient pas à saisir quelles sont les voies de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il ne l'atteint pas, il ne parvient pas à percevoir les jugements de Dieu. C'est-à-dire que les voies de Dieu. Il n'est pas entré dans la révélation des façons de faire de Dieu. C'est ce qu'il a dit le prophète André dit ici. Il souffle contre tous ses adversaires. Donc tu tentes avec lui comme ça, il n'est pas payé 500 000. Il y a des gens chez qui tu travailles. Tu lui dois 30, il te doit 30 000. Tu dis, pardon chef, donne-moi mes 30 000, mon enfant est malade. Il dit, va te plaindre partout où tu veux. Il ne te donne pas ton argent, 30 000. Tu pars vers le policier. Tu dis, monsieur le policier, tout ce que tu veux, c'est seulement que quelque chose, on te paye ton argent. Tu viens chez le policier, il te dit que j'ai combien là-dedans. Donne-moi l'argent de carburant. Alors qu'il est toi là pour cela. Tu sors encore 5 000 pour mettre 30 000. Il part chez le type là, il dit, monsieur, voici la convocation. Attention à la convocation. Il dit, va dire au policier que lui-même vient. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Il s'ouvre tout le monde. Avec l'argent, ils peuvent tout faire. Le policier, le jour que le policier vient, il fait quoi. Quand il vient, il voit d'abord la maison. Il voit d'abord la maison, il est d'abord intimidé. Il voit le monsieur vient avec la voiture, il dit, vous venez faire quoi ici? Le policier est intimidé, il dit que je suis venu pour. Et puis il fait quoi ici? Le policier, il a peur. Après, le policier vient par derrière, il veut voir le monsieur, il dit que le type la dérange. Je lui dis qu'il ne vient pas, il veut arranger avec vous. Il est seulement venu parce qu'il veut qu'on va en faire. Le monsieur sort 100 000 francs, il dit que toi tu as combien de salaire, il tape ça sur son visage. Tu viens au bureau la prochaine fois, le policier te dit que ce sera la dernière fois que tu viens ici. Vous voyez ce qui arrive, n'est-ce pas? Ils vont faire cela, ils vont souffler. Ils peuvent mépriser n'importe comment. Aller en justice, payer pour qu'on t'enferme. Donc, il peut dépenser comme ça, là, 800 000 pour montrer qu'il a la suprématie. Mais devant le Seigneur, chacun va rendre compte. Avançons ici. Regardez, on va trouver jusqu'au verset 7. Verset 6, il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Verset 7, enfin, sa bouche est pleine de malédictions. N'est-ce pas vrai? De tromperies et de... Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Donc les gens que vous enviez dehors sont sous le coup du jugement du Seigneur. Si vous pouviez savoir seulement. Vous voyez la voiture passe comme ça à côté de vous, vous frappe, il vous verse même l'eau, tu ouvres la bouche comme ça. Tu regardes la voiture, on dit que c'est quoi, on est venu sur la terre accompagner les autres. Au ciel, on n'a pas besoin de voiture, il n'y a pas d'accident de circulation là-bas. D'accord frère? Si tu n'as pas la voiture, vous avez la Renault 2 au pied. Marchez. Voilà. On peut arrêter ou bien on continue. Je continue. C'est à votre guise maintenant. Si vous continuez, je donne encore le verset, on continue. On arrête. On est fatigué. Ok. Un frère a été honnête, il a dit qu'on est fatigué. Donc j'aurais souhaité vous donner encore 5 ou 6 versets concernant ceci. Dans ce livre d'Isaïe, chapitre 53, que nous donnons, verset 9, disant du Seigneur Jésus-Christ, on dit que c'est pas sa maîtrise, nous sommes guéris. Il dit que dans sa bouche, il ne s'est trouvé aucune fraude. Disant du Seigneur Jésus. N'est-ce pas, frère? Notre vie en tant que croyant, en tant que chrétien, doit être exempte de duplicité. Donc, finissons avec le livre des Psaumes 50. Là, il y a quelque chose, j'ai dit qu'il y avait quelque chose dedans, nous n'avons pas lu la dernière fois. Je crois que. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Regardez. Psaume 50. Je vais lire à partir du verset 14. Et puis vous allez voir quelque chose. C'est là où je vais sortir là maintenant. Chrétien, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie spirituelle de façon droite si vous devez aux gens. Bien plus, si ces gens-là sont du monde, ils ne comprendront pas votre transformation. Parce que votre témoignage est souillé. Ils vont dire, c'est toi si tu es chrétien. Oui. Mon argent est où depuis? Là, à ce niveau-là, ton évangile s'arrête. Psaume 50, verset... 14, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants. Regardez encore, c'est encore lui ici. Verset 16, à partir du verset 16 que ça commence. Regardez. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Vous y êtes? Dites que je vais arrêter là. Notez Marc chapitre 7. Vous allez me permettre de continuer parce qu'il faut qu'on ne soit pas ici là. Marc chapitre 7. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 22. On va aller quelque part le chercher là-bas. Donc on va prendre le verset 20. On va revenir au niveau du verset 22. Merci Père. Regardez, vous lisez un verset, ça vous balance quelque part. Vous lisez quelque chose, ça vous balance. On fait mieux de fermer ça ici aujourd'hui. Parlez seulement comme ça. Il dit, c'est le Seigneur qui dit, il dit, et Dieu dit au méchant, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis. Donc les gens qui citent, ils récitent les versets. Ils récitent les versets. Tu sais n'importe quel verset, lui, il te cite, tu verras comment. Celui-ci, comment? Regardez, regardez comment il dit là-bas. Et qui jette mes paroles derrière toi? Et que, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Vous y êtes? Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'imaginais que je te rassemble. C'est Dieu qui dit cela. Et la Bible déclare donc, concernant ce que Dieu en a dit ici, que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. Maintenant, que dit donc si ton père est voleur de l'État et que tu manges à la maison? Qu'est-ce que tu fais, frère? Il dit, la Bible dit que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. Donc, si ton père, par exemple, est trésorier payé général et qu'il mange au-delà de son salaire, il est en train de voler. Tu fais quoi, frère, en mangeant cet argent? Non, je ne vous demande pas de répondre. Étendez donc cet exemple-là sur n'importe quel domaine vous en avez fait. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on ait les longs yeux. On doit se laisser attirer par ce qui est humble. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous donne chaque fois. Mettons-nous dans la voie de l'intégrité. Mettons-nous dans la voie du Seigneur, la grande du Seigneur. Demandons au Seigneur. C'est pour ça que le psaume. Oh, vous dites qu'on va arrêter là. Allons dans le livre de Marc d'abord. Puis notez Proverbe chapitre 11. Marc chapitre 7. Notez également Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, oui. Là. Vous lirez. Donc, Marc chapitre 7, j'ai dit le verset 22 qui nous intéresse. Allons trouver ce qu'il dit d'abord, Matthieu, Marc. Le verset, je vais prendre la partie du verset 20. Permettez-moi de le trouver là. Verset 20 dit il dit encore, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Vous avez vu cela? Entouré fraude. Je tente de lire ce livre, le psaume chapitre. Esaïe. Psaume 50 là. Et puis, on dit là-bas que le méchant reste. Il énumère la parole du Seigneur. Il cite là, il a l'alliance dans la bouche. Mais pourquoi il a seulement. Dieu a de lui reprocher que c'est dans la bouche. Et puis on dit qu'il hait les avis. Donc c'est quelqu'un qui peut aller à l'église, comme on dit. On lit la parole, on peut lire n'importe quoi, il peut réciter les psaumes. Comme vous savez, comme les gens aiment les psaumes. Les gens des psaumes, tous les psaumes qu'on a lus aujourd'hui là, s'il lit là-bas, il va traverser ça rapidement. S'il lit les psaumes, on dit que toi qui fraude, il va passer rapidement. Il va chercher quoi? Combat ceux qui me combattent. Combat mes ennemis, il ne sait pas quel est le premier ennemi des gens. Donc, et Dieu donc dit que les fraudes là viennent du cœur. Donc, qu'est-ce que Dieu voudrait? Il voudrait que celui à qui il en est de reprocher cela, dans ce livre des Psaumes 50, il veut que la parole de l'Alliance là travaille d'abord pour lui. Travaille d'abord dans son cœur et puis il peut les énumérer. Parce que souvenez-vous, dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Ouvrez l'espace, ça va effectivement être sur la bouche. Mais au dedans d'abord, ça doit nettoyer de le dedans. Ça doit nettoyer. Pour que tu ne hais pas les avis. Pour que quand tu suis les commandements du Seigneur. C'est pour ça que David a dit qu'il sait ces paroles-là dans son cœur de peur de péché. Il faut que la parole pénètre dans le cœur. Pour ne pas pécher, pour ne pas frauder. D'accord, mes bien-aimés? L'Ecclésiaste, quand il a vu cela dans le seul livre des Proverbes, il a dit que ne me donne pas assez de richesses. Regardez ce qu'il avait comme richesse. Ne me rends même pas riche. Je peux que dans la richesse là, je ne commets des choses bizarres. Je ne donne pas trop pour des pauvres, je ne vole. Donne-moi, Seigneur, que ce qu'il peut faire pour vivre. Contentez-vous de ce que Jésus vous donne. Il sait de quoi nous avons besoin. Il a dit que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Il a dit qu'on ne peut pas rendre nos cheveux noirs ou les cheveux blancs. Même si vous dites qu'on met les peintures, c'est ça. Quand vous mettez les peintures, vous lavez sur ça, vous voyez effectivement que c'est toujours blanc. Vous cessez, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts donc à marcher dans la voie de la sainteté? De la séparation, puis de la restitution, frère. Restitution donc. Observons nos vies. Vérifions ce que nous devons, ce que nous avons acquis malhonnêtement. Restitution. Je me souviens une année, J'étais avec les sœurs, on était quatre comme ça, je crois, on était dans une maison comme ça. J'étais en train de prêcher, je ne sais pas si c'est en 2000, combien, 2011 ou 2010. J'ai dit, mon épouse, elle peut témoigner. J'étais en train de prêcher. Le Dieu vivant, le Dieu créateur, si, il est vivant. Je vous le dis. Et vous prêchez, vous devez être testé. J'étais en train de prêcher sur la restitution, comme j'étais en train de dire. Je ne sais pas pourquoi, il vient de me rappeler là maintenant. Je me suis mis à prêcher, il dit que même si quelqu'un t'a envoyé le crédit, par fraude, par, vous devez lui rembourser, frère. Quand j'ai fini, mon épouse est allée témoin. Mon téléphone a fait ping, ling, ling, ling, ling, ling. Mon épouse est allée manipuler. Elle dit, chérie, tu as 32 000 crédits. Il dit, je venais de sortir ça de ma bouche. Mon téléphone était entre ses mains. Elle dit, tu as 32 000 francs de crédit. J'ai arrêté la prédication. Il dit, 32 000, tu rêves ou quoi? 32 000 qui m'envoie 32 000. Et on envoie 32 000, une partie vient dans le crédit appel, une partie vient dans le crédit. C'est pas comment vous appelez cela. Ce qu'on peut faire transférer aux gens. Et l'autre, c'est l'appel. Je suis resté tranquille. J'ai dit, passons à la phase pratique du message. Il dit, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on allait faire le lendemain. Pendant que j'étais en train de prêcher, comme ça, le téléphone a fait prendre tout le monde entendu. C'est venu, elle a commencé à regarder. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, il dit, c'est quoi? Elle dit, c'est 32 000 que quelqu'un a envoyé. La personne était, je crois, c'est en Gaoundal, vers l'extrême nord, vers la Damawa. Deux minutes après, la personne a appelé. S'il vous plaît, j'ai fait l'erreur. Il y a des gens que ça vient comme ça, ils font comme ça là. Ils disent que je fabrique l'autre. Moi-même, j'ai égaré mon téléphone. Et là, c'est une femme. J'ai égaré mon téléphone comme ça, c'est sorti, c'est tombé. Une femme a pris, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Elle dit oui, c'est toi qui as le téléphone. Elle dit oui. Elle me dit qu'apporte vite le chargeur. Elle me donne même les instruments. Elle me dit que c'est la dernière fois. Quand tu laisses le téléphone là-bas, il faut laisser le chargeur. Tu ne sais pas qu'on peut charger le téléphone. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit bien ça, c'est une femme qui a dit ça au téléphone. Vous voyez comment l'être humain est. Et il ne sait pas le téléphone de qui il a pris. Alors, ma femme a regardé comme ça. Il dit, ok, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On vous rembourse, on vous envoie le crédit sur ce message, sur quel numéro? Elle dit, renvoyez sur le message qui est venu. C'est là que ma femme a expliqué qu'il y a deux, il y a un qu'on va transférer, un autre qu'on va transférer. Je lui ai dit, ok, monsieur, il y a une partie qu'on va transférer, on vous transfère sur ce numéro, on a transféré l'autre. Il ne sait pas combien c'était divisé. Une partie était dans, mais je me souviens que c'est 20, quelque chose de 1000 qui était dans le crédit appel. Et l'autre, maintenant qu'on pouvait transférer, c'est ça qu'on pouvait lui transférer. On lui a transféré cela. J'ai dit, ok, venez donc, je suis au niveau de Ange Raphaël, venez prendre mon téléphone, vous utilisez le crédit d'appel qui est à l'intérieur. Quand vous aurez fini votre crédit, vous me le donnez. Le mur a ouvert sa bouche, il a dit, monsieur, on ne peut plus rien, je suis jusqu'à grandir, utiliser ce crédit. Il dit, j'ai fait donc comment? Il dit, utilisez. Donc, à l'issue des messages, j'ai eu 22 000 francs de crédit gratuit. Et si entre nous, on a commencé à appeler, chacun a commencé à appeler. Bonne soirée. Au soleil. Lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Attends, de toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse, au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil, levant mon cœur, attends, de toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse, au contraire.